Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et manga. HongKongStyle. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 12e numéro de Flashpoint consacré au mois de juillet. Alors l'équipe habituelle avec à côté de moi Vinch. Salut salut. Et Spectra. Salut tout le monde. Vous allez bien? Ça va, et toi? Ça va tranquille. Ça va bien, ça va bien. Depuis 15 jours, le dernier podcast qu'on a fait c'était il y a 15 jours. Ouais tout à fait, tout à fait. C'est ça. Ok, bon, ben alors vu que vous êtes pas trop bavard, on va commencer par le cinéma comme d'habitude. On te laisse débuter Spectra. Eh ben c'est parti. Alors déjà on va commencer par un petit lot de rumeurs. Alors la première, ce serait que le fils de Snyder serait présent dans le film Dawn of Justice en tant que Robin, ce qui est pas foncièrement impossible dans la mesure où il est déjà apparu dans 300 et dans Watchmen. Ouais. Voilà, serait le Jason Todd en fait, celui qui est mort en fait. Certainement. Alors je sais pas combien de Robin ils vont intégrer dans l'histoire du film quoi, mais ouais je sais pas, mais il y avait une rumeur comme quoi c'était Nightwing qui était mort dans l'univers de Snyder et pas Jason Todd. Mais bon je sais pas, ouais, toujours des rumeurs quoi. Ouais, là, on est toujours pas trop fixé, mais ouais c'est vrai que c'est fort probable que son fils il vienne faire un coucou et pourquoi pas jouer à Robin mort si les quarterbacks. Hein? Quarterback. Hein. Commence pas avec les prononciations belges. Ça fait exprès, c'est pour le public. Quarterback. D'accord. Quarterback. Ok. Ensuite, on a donc Jenna Malone en Batgirl aussi en rumeur. Alors ouais, ce serait une rumeur plutôt intéressante. Donc effectivement, il y a forte chance pour qu'elle ne joue pas le rôle de Carrie Kelly comme dans le comics The Dark Knight Returns. Et en fait, elle serait Batgirl et pourquoi pas, a fortiori, Oracle surtout. Ouais. Surtout quand on voit que Batman a l'air quand même bien, enfin le Joker a l'air d'avoir bien foutu le bordel dans la vie de Bruce Wayne dans le DC. Dans l'univers DC au ciné, donc DCU, donc ouais, ça pourrait être cool ça. Ça pourrait être cool, ouais. Ouais, pourquoi pas. Bah, je la vois mieux en Badia ou en Rack qu'en Carrie Kelly perso. Ouais, moi ouais. Ça après ça peut s'arranger, ouais. Ouais, je sais pas, j'étais pas trop fan de Carrie Kelly dans l'univers ciné comme Robin et tout. D'accord. Ouais, moi je m'en fous en fait. Je suis ouvert à l'esprit. Carrie Kelly, elle est quand même vachement jeune quoi, donc du coup. Ouais, Jenna Malone, elle a déjà 30 ans, ça serait plus cohérent, et puis ça serait pas mal qu'il y ait Batgirl, pas Batgirl, Oracle plutôt, histoire de synchroniser un peu l'équipe et tout, ça serait plutôt intéressant et cohérent. Même une Batgirl, hein, il pourrait partir sur des films sur elle, ce serait pas mal aussi. Ce serait pas mal aussi, ouais, effectivement. Bah tout est bon dans les deux cas, quoi. De toute façon, même avec Oracle, il pourrait faire des préquels Batgirl. Ouais, ou... Enfin bon, en tout cas, la tournure que ça prend me branche vraiment, quoi. Sinon, en couverture d'Empire, on avait les deux loulous, Batman et Superman, avec des photos officielles du film à l'intérieur, qui étaient... Ouais. Des belles photos. Franchement, ouais, belles photos qui donnaient bien, bien, bien envie, quoi. Ça va être long. Ouais. Il reste plus que combien de temps, là? Il sort quoi, au mois de mars? Mars 2016, ouais. 9 mois. Ouais. C'est pour bientôt. Ouais. Ensuite, vas-y, Vin, je te laisse poursuivre sur le ciné. Donc ensuite, on va reparler de Green Lantern Corps. Donc, Tyrese Gibson, qui fait du teasing depuis des mois et qui supplie Warner, apparemment, les aurait rencontrés. Donc, il aurait rencontré les responsables, justement, concernant le personnage qu'il aimerait jouer. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, toujours la même chose. On sait toujours pas s'il va jouer... J'ai oublié le nom. Quel personnage qui va encore jouer? J'ai complètement zappé. L'architecte, là, comment il s'appelle? Ouais, et comment il s'appelle? Je fais un blocage total. C'est le, en fait, c'est John Stewart, voilà. Ouais, John Stewart, ouais. Ouais, il voudrait jouer John Stewart. Enfin, à part qu'ils sont tous les deux black, je sais pas, je le vois pas trop en Jon Stewart, lui. Enfin, le perso, je sais pas, non. Ouais, mais ça, tu Toi? peux pas, faut voir après, ça veut rien dire, Ouais. c'est toujours pareil, Ses rôles, quoi, tu hein. vois, dans ses rôles, il joue toujours un peu le mec, le comique de service, quoi, tu vois, dans tous les films Ouais, qu'il a fait. parce que c'est un acteur en bois, c'est sûr, mais bon, après, ouais, faut voir, Jon Stewart, faudra. c'est genre le mec sérieux, l'ancien militaire, un peu coincé du cul. Ouais, toujours en train de se lamenter sur son sort. Bon, après, il faut voir, c'est toujours pareil, les acteurs. Tu sais Ouais. jamais, hein. Peut-être qu'après, ça va être le rôle de sa vie, hein. Même si, bon, ça Ouais, peut-être m'étonnerait, mais bon. aussi, peut-être aussi. On verra. De toute Bien façon, c'est toujours même pas sûr qu'il soit choisi. sûr. C'est toujours dans l'état de la rumeur, donc on verra. Sinon, il y a Tao Okamoto. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Ah, c'est ça. Donc, elle a été, on a donné son rôle. Donc, elle jouera Mercy Grave dans Dawn of Justice. Donc, Mercy Grave, c'est celle qui est apparue dans Superman The Animated Series dans les années il y a longtemps. Donc c'est un rôle qui a été repris de cette série animée-là. Je crois que depuis un moment elle est dans les comics, mais je suis même pas sûr. C'est la femme de main, enfin l'homme de main de Luthor en version femme, quoi. Ah bah moi je lis depuis le sur le Superman de Jeff Jones, je crois pas l'avoir vu. Et après Non, je suis pas sûr. Je sais qu'elle était dans la Animated Series dessin animé à l'époque. Maintenant, je pense pas qu'elle est dans les comics. Je suis même pas sûr. Enfin, j'ai jamais lu perso. ouais, j'ai pas vu moi non plus du peu que j'ai lu de ouais. Et donc ensuite ça vient donc Chris Pine qui était officialisé en Steve Trevor. Donc justement toutes les rumeurs le préposaient à devenir Hal Jordan, et ben pour finir non, il sera bien Steve Trevor dans le film Wonder Woman Mais qui sortira l'année prochaine. 2010, 2016 aussi Wonder Woman. Ouais, l'année prochaine. Mais Ah, ça a ok. été officialisé par un magazine, pas par Warner en fait. Non, je sais pas, je sais, j'ai vu, enfin moi je t'avoue que j'ai pas lu, j'ai vu partout officiel officiel, mais la Ouais. source finale, je sais pas si c'est Warner, mais je suppose que c'est dans un magazine où Warner a pas démenti, donc je suppose que c'est plus ou moins officiel, quoi. Moi je l'ai vu ça, tout le monde disait que c'était officiel, mais encore une fois, c'est un magazine qui l'a dit, quoi. Donc bon après oui c'est possible que ce soit vrai mais il y a rien d'officiel en fait, en fin de compte il y a rien d'officiel. Ouais, il pouvait être Hal Jordan comme pouvait être Steve Trevor, enfin c'est vrai que Steve Trevor, il a bien la tête de l'emploi aussi. Hal Jordan, pourquoi pas, mais donc visiblement ce sera Steve Trevor. Donc voilà. Lui, donc Star Trek, tout ça, on verra ce que ça va donner. On en a parlé Le on a Love parlé un paquet de Interest. fois de lui ouais. Bon c'est assez court hein, niveau ciné news mais bon vu qu'il y a eu le Un peu le LDCC c'est thème. vrai que tout a été déjà donné avant à l'avance on va dire. Ouais, et puis après, bon, il y avait quelques infos dans Empire et compagnie sur le film Batman, mais c'est des choses que j'ai préféré un peu éluder. J'ai pas trop envie de me spoiler déjà très égoïstement. Et puis Ouais, t'as voilà, il y a un raison. paquet de rumeurs qui accompagnent le film. Il y a des trucs à la con un peu partout, donc je préfère me voilà focaliser sur l'essentiel. T'as bien Et fait. voilà, on Bravo. découvre un peu. Bravo. On va passer aux séries télé, donc on va commencer par Arrow. Bon là, pareil, surtout du casting en fait, pas mal de nouveaux personnages en bois en fait. Parce que vu que Warner, ils sont pas trop chauds pour qu'ils aient des personnages assez connus, donc ils tapent dans des personnages de 8e zone. Pour pas qu'on vienne les emmerder à leur dire ah non prends pas celui-là, prends pas celui-là. Donc on a Jerry Ryan, donc ça je crois que c'est un personnage inventé. Donc elle rejoint le casting pour la saison 4. Ce sera une amie politique de la famille Quinn. Et donc j'avais lu un pitch comme quoi ouais, ses ambitions, ça allait la mettre dans la galère et qu'elle allait être embêtée par des ennemis de Green Arrow. Il y a elle, ensuite il y a J.R. Bourne qui a joué dans des séries cultes comme Smallville, Teen Wolf, Fringe et Flashpoint. Série culte. Je dis ça, mais j'en ai vu aucune en fait, un des quatre. Ouais, j'en ai vu aucune. Donc lui, ce sera donc un nouveau vilain, et donc ce sera donc Jeremy Tell, alias Double Down. Alors je crois que c'est lui en fait, c'est un personnage à la base d'un vilain de The Flash, et donc là ils l'ont repris dans Arrow, il me semble que c'est ce personnage-là. Ensuite, on a Jimmy Akingbola. Donc il a notamment doublé dans les jeux vidéo dans GoldenEye, sur console. Voilà, après sinon en tant qu'acteur, je sais pas trop ce qu'il a branlé jusque-là, et donc pareil, il va incarner le baron Blitzkrieg, alias Captain Nazi, selon Vidge. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un personnage jamais entendu parler. Vous connaissez, vous avez déjà lu des trucs de lui? Alors pas du Non, tout, ça. non. Ouais. J'ai découvert des images de lui, enfin de sa version comics sur le net, mais sinon j'ai jamais vu de ma vie. Je pense que c'est un truc qui est sorti avec les comics dans les années 40, mais ça s'est Ouais. arrêté là, quoi. Tu vois, après je pense qu'ils ont laissé tomber. Et là, donc tu disais tout à l'heure, Vinch, ils ont casté donc un autre personnage qui sera sous ses ordres, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est Donc pareil. ce sera Ryan Robbins qui a été casté, et donc il jouera des hommes de main, en fait, des vilains qui Qui travaillera dirige, pour ouais, lui, c'est quoi. ça. C'est pareil, le nom, je sais plus c'est quoi, Conklin, un truc comme ça, il s'appelle le personnage. Pareil, Ouais, jamais, non, jamais entendu parler. voilà. Ouais. Et donc après on a donc Attilaud qui va donc officiellement faire son retour en début de saison d'Arrow, avant donc d'embarquer dans Legend of Tomorrow. On s'en doutait de toute façon, hein, avec tous les trailers et compagnie. C'était sûr que ça allait arriver. Il Tout fallait juste savoir dans quelle série. Pardon? à fait, on s'en doutait un peu. Enfin, Ouais. je me doutais bien que ça allait être dans Arrow et qu'ils n'allaient pas commencer à faire une origin story de tous les personnages dans Legend of Tomorrow, parce qu'ils ont l'air de vouloir vachement se consacrer Ouais, sur à l'histoire l'action. directement, ouais. Ouais, tant Ils mieux. ont bien raison, ouais, c'est clair. Bon, par contre, avec tous les personnages annoncés là, ça augure quand même pas mal de Freak of the Week, hein. Ça fait un peu flipper quand même. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression, comme ils ont décidé de refaire de prendre une nouvelle direction avec Arrow, donc de faire Green Arrow et de le faire un peu plus joyeux, etc. J'ai l'impression qu'ils vont retomber un peu dans le travers de la saison 1, à faire un méchant tous les deux ou trois tous les deux épisodes, pour dire que le mec il se tape des barres à arrêter des méchants, quoi. Ouais, bah, Ouais, j'espère. tant que Huntress elle revient pas, c'est bon. Ah, c'est vrai qu'elle était bien Ouais. pourrie, quand même. On n'est pas à l'abri de ça. Ensuite, donc, il y a Guggenheim, donc, un des producteurs d'Arrow et Flash, qui a dit que, en quelque sorte, pour Green Lantern, c'est mort, et donc, faudra pas s'attendre à le voir débarquer dans Arrow, vu que, bon, bah voilà, Warner, ils ont dû dire, on va faire un truc au cinéma, donc, Ouais, c'est dommage, vu qu'au début ils utilisaient quand même pas mal du tout l'univers de Green Lantern, mais là ouais, apparemment Warner veut vraiment pas voir deux de ces trucs. Enfin, c'est bizarre en fait, parce qu'ils veulent pas avoir deux franchises au ciné et aux séries TV, mais ils ont quand même la série s'appelle The Flash, mais bon. ça, c'est, je pense, l'exception, en fait, qui confirme Ouais, la c'est règle. l'exception. Ouais. Non, ouais, c'est. Bon, en même temps, c'est vrai que les Green Lantern en série TV, je sais pas, niveau budget, effets spéciaux, ce que ça aurait donné non plus. Ah, ça aurait été balèze, quand même. Ça Ouais, aurait été costaud. il aurait fallu des vachement gros effets spéciaux pour pas donner du kitsch, donc je sais pas si ça aurait été fort intéressant aussi niveau budget pour eux de le faire. Mais déjà, tu vois, les effets spéciaux de Supergirl, c'est pas mal, mais ça fait un peu cheap quand même. Alors, sur du Green Lantern, entre le mec qui vole l'espace, les constructions en verre et compagnie, ça aurait été, Ouais, je pense que ça aurait pété leur budget, donc c'est peut-être pas non plus trop mal qu'ils aient évité. c'est clair. Ensuite, bah oui, j'avais oublié, on a donc Alexander Calvert qui a joué dans Liaison Dangereuse. Pas vu. Donc, lui va interpréter Anarchy. Donc, ça, c'est pas mal comme vilain. C'est un bon vilain, on va dire. Et ensuite, donc, on a Mister Terrific qui débarque avec, donc, Echo Whilom. Voilà, donc, ce personnage-là, donc, pour les lecteurs VF, même VO1, hein, on l'a revu dernièrement dans la série Hebdo Future Zen. Donc là, il D'accord. jouera dans la série, ouais. Voilà, et après, il y a une rumeur qui dit que Matt Ryan, il pourrait interpréter Constantine dans Arrow. Voilà, une rumeur, une de plus, en fait. Ouais, bah ils en avaient déjà parlé il y a quelques temps, enfin on en avait déjà même nous parlé dans le podcast et on pensait que c'était mort, mais apparemment la CW aimerait bien réintégrer Constantine dans leur univers. Maintenant, je vois pas vraiment l'intérêt de faire venir Constantine dans Arrow. Je sais pas. Bah, peut-être pour après lui lancer une série à son nom à lui, hein. Relancer la série peut-être plus tard. Ouais, pourquoi pas plus tard. Voilà. Vu que toute leur série DC elle marche bien, peut-être qu'ils veulent retenter le coup, quoi. Ouais, faut voir sur la CW. Bientôt la CW sera la chaîne super-héroïque. Bah, de toute façon, c'est ce que c'est en train de devenir, hein. Et après, voilà, peut-être que vu que Supernatural ça marche, peut-être que voilà, et peut-être qu'ils veulent un successeur à Supernatural, vu qu'ils en sont à combien, 10 ou 11 saisons cette série, non? Je sais pas du tout, j'avais regardé, je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai qu'il paraît que c'est un peu sur la fin, cette série-là. Ce qui est bien avec la CW, c'est que c'est toi qui décides quand la série s'arrête, en fait. Il y a tellement de saisons que c'est toi qui quittes avant que la série soit terminée. Ouais, c'est carrément ça. C'est la seule chaîne Quand qui t'en as force, marre. c'est. Les mecs qui forcent. 10, 11, 12 saisons, quoi. Ouais, donc voilà, ça c'était pour Arrow. On va embarquer sur Flash maintenant, Vinch. Et oui, donc je sais pas si on avait déjà parlé, mais donc Atom Smasher, je pense qu'on avait déjà parlé à la San Diego, donc Atom Smasher sera bien dans Flash et sera joué par Adam Copeland. Donc il vient de Age, je connais pas du tout. Okay. Sinon donc les Si, je Flash était connais. dans. Ouais. Et c'est bien. Non, mais Edge, c'est un catcheur, non? Ah oui, Ah Edge, oui, c'est oui, c'est ça. le catcheur, Ah ouais. juste. Oui, Edge, oui, c'est ça, c'est. Ok, je vois Edge, ouais. Il faisait pas le catch qui passait à la télé, genre le catch façon un peu. Enfin, le catch façon show, là, truqué. Ouais, c'est ça, ouais, avec les. C'est lui, là. Ouais. C'est comment qu'il s'appelle encore cette connerie? C'est pas Putain, ça passe à la télé. WW machin chouette là? Ouais, un truc comme ça. WWE, ouais. Ouais, c'est pas ça la télévision. Oui, juste je vois ce qu'il sait. Déjà, ah, ok, je le remets. Je savais même pas qu'il a déjà fait des films dans sa vie ou non, je crois pas. Non, je pense pas. Ou alors peut-être quelques apparitions, des conneries comme ça. Mais Ouais, bah, de toute voilà. façon, il a travaillé l'acting hein, en faisant du catch. Y a pas de Voilà. souci. toute façon, il va venir un épisode, il va se faire abattre et on le reverra plus, quoi. C'est sûrement ça, ouais. Ouais. Donc voilà, donc Flash a été nommé aux Emmy Awards. Et quelle catégorie alors? Série de l'année, acteur, c'est quoi? Je sais pas du tout, là, j'ai vu qu'ils avaient été nommés, mais je pense que c'est série ou effets spéciaux, un truc comme ça, mais acteur, je suis pas sûr, hein. Au niveau des acteurs. Ouais, non, acteur, je pense pas, parce que aux Emmy, il y a, à moins qu'il y ait beaucoup de catégories, mais aux Emmy, t'as quand même toutes les grosses séries, là, toutes les chaînes sont concernées, en quelque sorte. Oh Donc, ouais, c'est tout, en fait, c'est les comment ça s'appelle? deux. Les. Allez, ce qu'il y a au cinéma que tout le monde en parle, putain, je voulais les Oscars du cinéma. En fait, Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu les Oscars l'équivalent, sont hein. au cinéma, ce que les Emmy Awards sont télévisés. Parce que l'année dernière, Flash, ils avaient gagné des prix, mais c'était dans des concours à la con, là, Teen Choice Awards, donc c'est des Ouais, trucs de donc. merde, quoi. Des Tout à gamines fait. qui votent. Donc là, ça Ouais. va, je pense, t'as raison, ça doit être dans les effets spéciaux ou un truc comme ça. Faudra vérifier. Hein. Ouais, et alors, on aura aussi côté casting encore le papa de Leonard Snart qui arrivera. Donc, Lewis Snart arrivera sous les traits de Michael Ironside. Et donc, ouais, il va débarquer cette saison dans Flash. On ne sait pas très bien pour quel rôle, mais en tout cas, il sera bien là. Ça, c'est cool aussi. Moi, je sais pas, dans le comics, je sais pas si son père est connu, il a un rôle ou quoi, quelque chose, non? Ouais, dans le comics, tu le vois dans le passé, là, tu vois qui, en gros, c'est un alcoolique, qui bat ses gosses, voilà. Et puis, Ouais, juste. dans la série Flash, à un moment donné, ah non, je confonds, attends, je dis de la merde, quoi. Je m'en attends. Tu sais, à un moment donné, t'arrives à Reverse Flash qui fait, eh ben non, maintenant, je dis des conneries, ça a rien à voir, en fait. Et non, non, je confonds avec le père de Reverse Flash, quoi. Donc, en fait, t'as raison, ouais, le père de Snart, non, on l'a pas vu, hein. Dans les New 52, on l'a pas vu encore. Non, mais T'as raison. avant, je pense que ça me dit quelque chose avec. Si, on l'a vu quand c'était Wally, quand c'était Wally qui était Flash, à un moment, ils en parlent dans un comic que j'ai vu Ah, j'ai pas lu parler celui-là. justement de ça. Ouais, son père, parce que c'était un peu un alcoolo aussi, et c'est pour ça que Leonard Snart s'est barré, qu'il est devenu braqueur pour s'assumer tout seul ou quoi, mais rien de super transcendant, quoi, tu Eh vois le ben. mec sur 2 pages et demie. Ça me dit quelque chose aussi, alors. Je crois que je l'ai lu et je confonds un des deux, alors, mais ouais, ça, Mais ouais, voilà. on n'en parle pas beaucoup, quoi. Ces 2 pages, tu vois, le mec qui boit et qui shot un peu son fils, et c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Ouais, ça doit être ça. Maintenant, donc voilà, je sais pas très bien quel rôle il aura, mais c'est peut-être toujours de bon à prendre, on va dire, on verra s'il va en faire. Oh, mais il y avait un descriptif, j'avais vu, là, attends, je vais te le dire. Ouais, j'avais vu un descriptif. Je vais te dire ça de suite. Nanana. Fais-nous rêver. L'actu en Voilà, direct. donc c'est ça, père abusif, criminel de carrière, de retour à Central, après sa mise en liberté conditionnelle, et après il disait que il va faire des trucs qui mettra en danger donc ses enfants, donc. Voilà ce qu'ils avaient mis comme pitch Ouais, pour le voilà. personnage. Donc ouais, ça peut être cool. Ouais, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Donc maintenant on passe à la série qui est très attendue qui est annoncée d'ailleurs Janvier. pour janvier 2016. Donc ce sera quand même bien un peu dans la mi-saison, parce qu'à un moment ils avaient parlé Ouais. de juin, etc. Donc là c'est bien, donc ça va tomber pile entre la pause, c'est pas mal du tout ça. Et donc on a eu Hawkman qui a été confirmé dans Legend of Tomorrow, et on a eu la confirmation qu'il apparaîtrait donc dans Flash et Arrow, l'un ou l'autre, peut-être même les deux, avant d'arriver dans Legend of Tomorrow. Donc Legend of Tomorrow a été également dit que ce serait plusieurs fils rouges sur saison, donc un peu comme pour ceux qui connaissent American Horror Show. Donc en gros, on aurait une saison, par exemple cette saison, si ce sera sur Vandal Savage avec une équipe, ben, si ça se trouve l'année prochaine, si la série cartonne, ben, ce sera plus du tout. Là, il est même héros, etc. Donc, il y aura une tournante, etc. C'est pas mal. Et ce sera une autre histoire. Donc, en gros, ils veulent vraiment en faire, en quelque sorte, un mini téléfilm en 12 épisodes qui se passe entre les séries mères, quoi. Je trouve ça pas mal, moi. C'est ce qu'ils avaient dit, ouais. Ils avaient dit que c'était un film qui durait un film de 13 heures, quoi. Ils avaient dit un truc comme ça au début, quand ils avaient Ouais. annoncé la série, ouais. Ça pas mal du tout, moi, justement, que ça puisse évoluer chaque année. Donc, à la fin de Legend of Tomorrow, ben, ça dépendra plus des autres séries. Plutôt que de se dire l'année prochaine on va encore devoir se taper la même équipe, tu vas devoir faire les mêmes trucs, etc. Ça promet pas mal de choses et pas mal de personnages aussi, si possible. En plus, ça peut permettre, s'ils changent les personnages après, vu qu'on les reverra peut-être plus, de les intégrer au cinéma pour que les gens ils les connaissent un peu. Ouais, aussi, tout à fait. Ça peut être un tremplin aussi, ouais. Ouais, donc c'est pas mal, j'espère que ça permet aussi de franchement faire évoluer l'univers DC à la TV. J'espère juste que Warner Cinéma va pas trop bloquer certains personnages et qu'on va pas se taper que des héros de seconde zone. Ouais, c'est sûr. Ouais. Par contre, ce que tu disais sur Hawkman, pareil, c'est comme dans le même délire que tout à l'heure. Hein. Apparemment, voilà, il les présente dans les séries classiques, comme ça, dans la série Lost, là, enfin Legend of Tomorrow, ils vont directement à l'essentiel. Ça, c'est bien Ouais, aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. la même Mais je pense logique. qu'en fait, tous les personnages, je pense même que quand on voit les bandes annonces, je pense qu'ils seront tous présentés dans. Parce que. Je sais pas si on l'avait déjà dit, mais en gros, le début de la saison de Arrow et de Flash, ce sera un peu les préquels à Legend of Tomorrow, donc ça servira vraiment à intégrer tous les personnages. Donc je pense que quand Legend of Tomorrow va commencer, le premier épisode sera la construction de l'équipe, mais on saura déjà qui est qui, quoi. Bien sûr. Il y aura peut-être juste le Hunter, je sais pas si Rip non, Hunter. Rip Hunter, je sais pas si lui sera intégré avant ou pas. Ouais, c'est pas On va possible. voir, mais sinon, ouais, c'est même possible qu'on le voie dans un épisode de Flash ou de Arrow juste avant la pause, quoi. Donc voilà, c'est tout pour Legend of Tomorrow. Donc on peut passer à Supergirl. Ouais, Supergirl. Eh ben c'est parti. Donc on aura Lucy Lane qui sera présente dans la série, qui sera certainement là pour la dose qu'il nous faudra hebdomadaire de triangle amoureux, et peut-être qu'un jour elle deviendra Superwoman. Moi, je connais pas ce personnage du tout. Vous avez déjà lu des trucs avec elle? Ben non, du tout. Moi, je connais, je me suis un peu renseigné vite fait, mais moi, Superwoman, pour moi, c'était Lois Lane de la Terre de S3, donc j'étais un peu étonné et tout, mais apparemment, voilà. Dans le comic, c'est vraiment Lucy Lane a été une méchante, mais j'étais pas trop au courant. Ouais, ça doit dater un peu, je pense. Enfin, en tout cas, Moi, je. c'est pas dans les New 52, normalement. Non, du tout. Dans les New 52, justement, Superwoman, c'est Lois Lane de la S3, D'accord. de Terre 3. On a dit en français, tu galères un peu moins en français. Moi j'aime bien essayer de faire anglais, tu vois, ça fait pas mal. Ah, mais même avant, hein, dans le truc de Morrison, je crois que c'était aussi la Terre 3. Enfin, du coup, la série, elle est rentrée en production, elle est validée par la chaîne. Donc, du coup, il y aura bien une saison 1 de Supergirl. Youhou. Voilà. Ouais. Non, moi je vais regarder, hein, j'attends ça. Ouais, mais j'ai toujours espoir de récupérer mon ordinateur un jour. Je pense que je vais regarder l'épisode pilote, hein, mais Ouais. bon. Je suis pas convaincu là, j'ai revu le trailer tout à l'heure, ça m'a pas. Ouais, mais regarde l'épisode et tout, tu verras, c'est. C'est Ça me fait amazing. Un peu peur, mais bon, Bah, le seul pourquoi truc pas. qu'ils ont dit qui fait un peu peur, c'est que c'était ciblé pour les comics. Attends, comment ils ont dit ça? Que ce serait un truc familial? Une série familiale? Ouais, ok. Bah, ça, c'est un peu dommage, mais bon. On verra Bon, bien, hein. après, On ça jugera peut sur être. pièce. De toute façon, t'avais aimé, hein, le premier épisode, je crois que. Ouais, c'était sympa, ouais. C'était pas. Bah, j'ai pas autant kiffé que Flash, quoi, par exemple, parce que Supergirl, c'est pas un personnage que j'apprécie, enfin, c'est un personnage pour moi lambda, je m'en fous un peu, quoi. Mais donc, sinon, sur l'épisode, ouais, c'était sympathique, quoi. Ça donne envie de voir la suite. Après, on verra. Ouais, ce qui me fait le plus peur, c'est les effets spéciaux, en fait. Sur une saison, voire. Parce que déjà que sur le pilote, je trouve qu'il galère un petit peu, mais alors sur une saison entière, on verra bien. Ouais, ça a à voir aussi avec le succès de la série, ils vont peut-être augmenter. Ça dépend, en fait. Si je pense que la série cartonne, les effets spéciaux seront de mieux en mieux. Comme tu vois, genre Flash au début, c'était bien, mais quand tu vois les effets spéciaux à la fin, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, comme Donc, Arrow faut aussi, voir, au tu vois. début, ils font attention, et puis quand tu vois que ça marche, ils... Ouais, tout à fait. Mais Maintenant, si la série, elle fait pas beaucoup d'audience, c'est sûr que les effets spéciaux, je pense qu'ils vont être un peu merdiques. je pense que ça va cartonner, Supergirl sur CBS, il y a de fortes chances que ça marche quand même. Moi, ouais, à mon avis, je pense que ça sera pas mal. On verra les premières audiences, mais. Mon avis, je ne m'inquiète pas trop s'ils assurent au niveau contenu scénaristique et encore. Ouais. On sait combien d'épisodes pour la première saison ou pas encore, Ouais, je pense 23, comme d'habitude, hein. Pour toutes hein? ces séries-là, des grandes chaînes, c'est souvent c'est 23. Ok, bon, et ben du coup on passe à Gotham. On t'en prie. Alors, merveilleux personnage qui est Silver Saint-Cloud va être introduit dans la saison 2 de Gotham, donc qui sera un love interest pour Bruce et qui sera interprété par Nathalie Allen-Lind. Je ne sais pas si elle vous parle, mais en tout cas, sa mère Vinch doit très bien la connaître puisqu'elle a joué dans les frères Scott. C'était la mère de Nathan. Les références, putain, toujours Et pareil, ouais, toujours les les mêmes. frères Scott, ça revient à chaque podcast, hein, va falloir se poser des questions là, les mecs. Ah, c'est Vinge, c'est pas D'ailleurs, moi. rien que pour le kiff, One Tree Hill, c'était le titre original de la série, en anglais en plus. Ouais, Et donc, pas voilà, mal. c'est une référence, hein, c'est une référence, on va dire, c'est une série TV à l'époque. Je crois que c'est Les connaisseurs apprécieront. la Non, première fois que tu arrives à placer trois mots d'anglais de façon correcte. mais celui-là, je me suis quand même entraîné pendant longtemps, je savais que j'allais le dire, alors je me suis dit, entraîne-toi bien. Bravo. Merci, merci. Après la mauvaise nouvelle, je te laisse dire ça, Spectra. Mauvaise, non, bah, pourquoi mauvaise? Il y a Michael Chiklis, du coup, qui rejoint la série, que vous avez connu dans l'excellente série The Shield, dans le plus dispensable 4 Fantastiques où il interprétait Ben Grimms. En fait, il va jouer le rôle d'un flic qui est en quelque sorte l'idole de Jim Gordon, qui est inflexible face aux ripoux et qui sera voilà, un bon représentant de l'ordre et de la justice. Franchement, voir le flic complètement véreux, complètement badass de The Shield, retrouvé là dans Gotham, la série Ultralis, Ouais, c'est. ça va faire, ouais, je pense que ça va être pourri. Mais dans The Shield, je l'aimais bien. Perso, je crois qu'il jouait vraiment bien. Maintenant, Ouais, dans Gotham, je mais... comprends pas trop le concept de ramener un personnage comme ça, alors que c'était déjà censé être le rôle de Gordon à la base. Donc, Ouais, mais sûrement qu'en fin de compte, il sera pas méchant, il sera pas gentil, il sera méchant, il y aura sûrement une connerie comme ça. ouais, parce qu'il y a eu comme quoi des rumeurs, enfin comme des rumeurs. Je pense que c'est officiel, qu'ils ont dit que ce sera aussi, ça pourrait être aussi un redoutable allié si Gordon se bat à l'autre ado. Donc, ça se Ouais, trouve ça le doit être gars, ça, il est voilà. tellement lisse qu'il veut tellement faire respecter la justice qu'il va buter des flics comme ça, tu vois. C'est Ouais, possible aussi. ça peut être un futur vilain, un truc comme ça, mais quand t'as vu le flic dans The Shield et qu'il arrive sur Gotham, ben... Enfin, je sais pas, voilà, y a un souci, ça va pas aller, quoi. Bah, il y Ça a va... Family Crime aussi entre-temps, tu vois, ça. Ouais, non, C'était mais Ben avant ou Grimm, après, enfin... d'ailleurs? C'est C'est après. sûrement après, non, mais Ben Grimm, enfin, les 4 Fantastiques, faut même pas en parler, quoi. Ouais, c'est ultra culte, ces films. Ouais. La série The Shield, 5 saisons, il n'y a aucun épisode mauvais, quoi. C'est une série culte, quoi. Enfin bon, on verra bien, mais bon, moi ça me fait quand même pas mal flipper. Je pense qu'il va se gâcher sur cette série. Enfin, on verra bien. Pour Gotham aussi, il y a eu une dernière petite annonce qui a été donnée. Donc ils ont dit qu'à partir de maintenant, ils ont retenu la leçon concernant la saison 1, qu'ils avaient décidé de faire une seule grande histoire dans la saison, et alors faire des épisodes de 3-4 épisodes avec une histoire cousue, et plus faire un Freak of the Week comme ils faisaient au début. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien ou pas bien. Moi Ah perso, je ouais, trouve carrément, ouais. plutôt mieux justement, parce que dans la saison 1, c'est ça qui était un peu chiant. Non, j'espère que ça va pas trop tirer en longueur non plus, qu'il va pas falloir 12 épisodes pour arrêter un seul mec. Mais enfin, en même temps, le mec, c'est le showrunner, c'est Bruno Heller, c'est le mec qui a fait Mentaliste, il a fallu 6 ans pour arrêter un tueur en série à la con. Donc, Mais en même temps, c'est normal. Il te met, c'est Jacques Lerouge, le méchant, c'est pas ça? ouais, John Le Rouge. Ouais, John Lerouge, ouais. Il te fait intervenir 5 minutes en début de saison, 3 minutes avant la pause d'hiver. Au retour de la pause d'hiver, 2 minutes, et après un peu à la fin de la saison, quoi. C'est Ouais, mais normal enfin, que... s'ils l'ont tiré en longueur pendant 6 ans, d'ailleurs, Voilà. Moi, la Gotham, je vais découverte du tueur retester. était pourrie, mais Je vais bon. retester si jamais c'est pareil, que c'est comme les experts, je laisse tomber direct. Il paraît que maintenant que ce sera plus développé, etc., et qu'ils vont plus se concentrer sur les personnages, sur les vilains, etc., donc je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Le seul mot qui m'a un peu fait peur, c'est qu'ils ont décidé de faire une série plus feuilleton. Moi, quand ils disent feuilleton, je pense au feu de l'amour, genre de délire, donc j'ai un peu peur, mais sinon, je pense que ça peut être du bon, quoi. C'était déjà bien feuilleton quand même, hein. Après, je sais pas ce Ouais, qu'ils mais veulent dire par feuilleton, mais bon, pour moi, non, feuilleton, c'est l'inverse de fil rouge, quoi. C'est une histoire par semaine, en fait. mais Ah non, déjà à la un fin de la feuilleton suivi, saison quoi, 1, justement. Pardon? sur la fin de la saison 1, déjà ils commençaient à faire des épisodes un peu, enfin le format Freak of the Week commençait à disparaître un peu, quoi. Ouais. D'accord. Non, je pense que quand ils disent feuilleton, ils veulent justement parler genre que j'ai comme les feux de l'amour, où t'as 17 saisons pour la même histoire sur le mariage de Brenda et Brendan, tu vois. Encore les références, quoi. Ouais. Ah, je connais pas du tout l'âge avant, hein, mais bon, C'est c'est bien le ça. genre de nom qui sort de l'ordinaire, donc je pense que c'est ça ils veulent dire, c'est que voilà, il va se passer des trucs et tout, mais il va falloir plusieurs épisodes pour que ça se résolve, etc. Ils vont s'attarder sur les personnages et tout va pas être bâclé chaque fois d'un épisode, puis on passe à autre chose. Donc je me dis que c'est peut-être pas mal maintenant, ouais, faut voir comment est-ce qu'ils vont travailler, quoi. Ouais, on verra ça. Moi, je Verrons vais ça retester, d'ici. je te dis. Et puis, si jamais c'est toujours pareil, salut. Tu nous en tiendras bien sûr informé dans le podcast. Ouais, le premier, hein. Après je te dis si j'arrête, qui s'est coltiné toute la série cette année? C'était Vinge, non? C'était Spectra? Non, Spectra, mais c'est moi j'ai moi. suivi Moi, aussi. Ah, toi, t'as suivi. j'ai fait Gotham et Constantine. D'accord, putain. Ouais, Gotham, j'ai suivi aussi. Constantine, pas du tout. Voilà, Voilà, ça je sais. cette Ok. année, pas tout. Bon, on en a fini avec les écrans. On va passer aux comics, aux news, comics VF, Vinge. Ouais, donc Urban a bien précisé qu'il publierait bien la série Grayson en librairie, donc on s'inquiétait entre guillemets, car ils avaient sorti Grayson en kiosque récemment. Et donc on espérait voir la suite. Nightwing avait été sorti en librairie, forcément, donc Grayson en est la suite. Donc ils ont confirmé que ça arriverait bien en librairie d'ici cette année, je pense même, au début de l'année prochaine, ça dépend un peu de leur planning. Donc ensuite on a eu la confirmation pour Convergence, donc ça débarquera en librairie dans Earthsound. On en avait déjà parlé Ouais. vaguement, donc là c'est sûr et certain, donc ça arrivera dans les volumes de Earthsound. Donc et à mon avis on n'aura aucun de tous les two shoot comme il y avait eu, donc tous les numéros 1 et 2 qui étaient sortis un peu dans la pause d'ici. Donc à mon avis ça n'aura rien du tout. Peut-être en kiosque, mais je suis même pas sûr. Peut-être Si, dans bah des oui. achats vite fait. T'es obligé de les avoir en kiosque. Ils vont mettre Oh, quoi à la place? ouais, bah justement, comme ils ont des fois beaucoup de retard en kiosque, des fois ils ont plus de 9 mois de retard, tu vois, donc ça leur laisse de la marge. Ils mettent des annuels ou ce genre de conneries à la place. Donc je pense que ça leur laisse de la marge. Peut-être qu'ils en mettront en HS ou quoi, mais je pense qu'ils vont, vu la qualité des titres et l'utilité pour C'est sûr. pour la série principale, je pense qu'on les verra pas du tout. Vu que déjà ils ont décidé de mettre la série Convergence dans R2, ça veut déjà tout dire. Donc peut-être dans des HS ou quoi, ou alors pour boucler, ouais, à kiosque où il manque un truc, mais souvent ils ont un peu de retard. Quand tu vois que dans Batman Saga 39, je pense qu'on est au numéro 38 de Batman, et par contre on est genre au numéro 36 de, je sais plus, de 37 de Supergirl, etc. Bah tu vois, il y a de la marge, donc ils peuvent mettre deux épisodes d'un, etc. Pour rester, ils ont 8-9 mois de décalage, donc ça leur posera pas trop de problème. Donc je pense que ouais, je pense que c'est dommage d'ailleurs, je trouve qu'ils vont pas faire, même si les séries sont peut-être discutables, qu'ils sortent pas un volume librairie avec toutes les séries, tous les two-shots réunis, ça aurait été pas mal, je trouve, mais bon. Il faut un omnibus, hein. T'as pas vu le nombre de séries qu'il y a? Ouais, mais évidemment, omnibus ciblé sur ce qui sort déjà en Europe, quoi. Maintenant, je pense que les Teen Titans, ils allaient pas le sortir, vu qu'ils le sortent déjà pas du tout en Europe. Genre les trucs de base, quoi, Batman, Superman, enfin, ce genre de trucs, quoi, qui sortent déjà en VF, quoi, on va dire. Oh, bah écoute. Maintenant, je pense pas qu'on les aura. Il y a fort moyen qu'on ait des séries Batman qui sortent dans Batman HS, vu que C'est le sûr. prochain Batman HS, on n'avait pas déjà parlé, je pense qu'on n'avait pas encore parlé, mais on va en parler. Donc le futur Batman hors série sera donc sera composé de la superbe série Batman 666. Non, Batman 66, pardon. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la série, le Ah comics ouais. qui a été découlé de la série TV de 1966, justement. Donc vous voyez le niveau, ils vendent vraiment du Batman pour dire, quoi. Non, Je sais mais il y pas a ce des que gens vous la... qui aiment ça, hein. Apparemment, ça a Ouais, son mais... charme, hein. Ouais, mais... Ouais, il paraît que c'est pas mal, hein, Ouais, franchement. faut aimer le genre Ouais, aussi. c'est bien, ça change un petit peu du Ouais, Batman Dark et compagnie. ça, Ouais, il faut paraît que c'est aimer, pas quoi. mal, Vinch, Moi, hein, si t'aimes bien le genre. C'est pas... c'est pas du tout mon kiff, quoi. Ouais, tout a des goûts Je de vois ça. chiottes, mais sinon, il paraît que c'est bien. Ouais, ça va, mais... Tu me diras quand t'auras acheté le kiosque et que Non, t'auras mais je lu... vais pas l'acheter, c'est pas mon délire, moi non plus, mais c'est pas, comment dire. C'est pas de la merde, quoi. Apparemment, c'est dans son domaine, apparemment, c'est pas mal, quand même. Il y a de la qualité. Pas, déjà la série, moi j'ai jamais pu blairer, donc il paraît que c'est culte, mais je suis fan, mais à un certain point, tu vois. Et donc aussi, on aura Urban qui a donc déclaré que des nouvelles séries arriveraient post-convergence en 2016, donc on aura des informations plus tard dans l'année, donc sûrement à la Comic Con de Paris. Et donc voilà, ils vont, à mon avis, sortir quelques mini-séries qui sont sorties, donc qui fonctionnent pas mal début Convergence. J'espère qu'ils s'y annoncent cette année, parce que l'année passée, ils avaient annoncé pas mal de trucs, certaines séries qu'on n'a pas encore vues, genre Arkham Manor, ils sont apparus. Ils avaient annoncé à la Paris Comics Expo en fanfare, on aurait Arkham Manor, bah, on l'a toujours pas eu. Et après Donc aussi voilà, là c'est on a eu peut-être. la fiche de la Comic Con officielle, je sais pas si vous l'avez Ouais, vu sur justement, Internet. ouais, ce qui est très DC, d'ailleurs, je suis étonné, je me demande s'ils vont pas sortir une autre, parce que ça fait, c'est un peu spécial pour les fans Marvel, justement, parce Ouais que mais je en pense que la fait Comic Con, il va attirer tout le monde, mais... j'avais vu mais alors je sais pas si c'est je suis pas sûr de moi sur ce coup-là que Warner et Urban ils allaient être les gros partenaires de la convention en fait. Donc Bah non, enfin, c'est bizarre parce que Panini a déjà gueulé bien haut et fort, et a déjà fait une annonce comme quoi ils étaient présents et partenaires à la Comic Con, et Urban n'a toujours pas annoncé, Ouais, mais Urban officiellement n'est toujours pas là. Panini, c'est tout pourri. Et là, je te dis Warner, tu vois. Panini, c'est un tout petit truc, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est carrément, c'est Warner. Donc, si c'est Warner qui vient, peut-être que voilà, ils vont pousser à fond sur tout ce qui est DC, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Ouais, mais cran au-dessus, quoi. il y a aucune annonce officielle pour Warner, en fait. C'est juste pour dire qu'il y a que Panini qui s'est annoncé comme Ouais, mais parce que c'est comme si tu me disais, voilà, il y a Marvel qui vient. Marvel, oui, c'est lourd, mais Panini, c'est pourri. Là, moi, j'avais Mais vu, Panini, bon. c'est le plus grand vendeur d'autocollants du monde, ok? Ouais, mais je sais, mais tu sais quoi, ils sont à 2 km de chez moi. Ça, Ah c'est pas loin de chez moi qu'ils sont. Mais je veux dire, là voilà, si c'est Warner qui vient, ouais, il y a moyen qu'il force bien le truc, tu vois. Et donc ça expliquerait le poster d'ici. On bah, verra bien. ça dépend, quand tu vois la Paris Comic Expo, ils avaient un poster DC, ils avaient un poster Marvel, ils l'avaient pas annoncé au même moment, donc faut voir le. On verra, ouais. Maintenant, la Comic Con, c'est un peu neutre, donc je pense pas que. Quand tu vois le parrain du truc, le parrain, c'est un mec de chez Marvel, enfin de chez Marvel, pas vraiment, mais le mec qui a Quel fait un film parrain? Marvel. Louis Leterrier, c'est le mec qui a fait l'incroyable Hulk, le film un peu pourri Ah mais là. lui c'est une baltringue, c'est oui je sais ce que c'est mais Bah c'est lui une il est parrain, baltringue, tu vois. c'est encore un mec en bois qui vient là parmi tous les invités en mousse qu'ils ont invités là, il y en a un paquet qui servent à rien qui sont là et on se demande ce qu'ils foutent là mais après Non, lui c'est le parrain carrément, tu vois, c'est le mec qui soutient la convention et tout ça, que j'ai trouvé un peu moisi, Ouais mais non. mais lui je veux dire il fait d'air que dalle lui. Tu te dis pas je vais y aller parce qu'il y a Jean-Paul qui a fait un vieux Hulk qui a 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de Toi, fédérateur avec un nom comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que les mecs qui font la convention, Ride Expo, ils sont là pour faire de la thune. Donc voilà, Louis Leterrier, c'est les premiers invités qu'ils ont annoncés, et c'est tous les invités que les gens y râlaient parce qu'ils étaient tout pourris, et depuis ils ont envoyé du lourd, donc ils ont envoyé Bendis, le couple, Miller. voilà, le Miller, voilà, tu vois, là, voilà, là, ça fait du monde. Ouais, donc non, en fait, non, bah, pour le moment, Warner n'est pas encore annoncé. Dans les partenaires, c'est Alcor, je sais pas ce que c'est. Il y a Energy, Watt TV, Cobb Agency, CanalSat, la ville de Paris. Donc voilà, ça tape dans les soutiens pour le moment. 20 minutes, iTélé, au cœur de l'info. C'est un peu tout pour le moment. Mais c'est vrai que souvent, ils annoncent, ouais, il y a Panini aussi, mais Warner Urban se décide souvent un peu. Enfin, Urban, en tout cas, je les vois mal rater l'occasion. Au début, ils avaient dit qu'ils étaient pas trop chauds, parce qu'ils étaient plus au soutien à la Paris Comics Expo. Vu que la Paris Comics Expo, elle est reportée à un an plus tard, au printemps, je Ah, crois. mais t'inquiète, si c'est Je Warner pense qu'ils qui sont paye plus la là. place, t'inquiète. Franchement, je me fais pas de soucis. Maintenant, ouais, je suppose que niveau film et tout, ils sont là, vu qu'ils ont quand même annoncé la grande salle avec des trucs pour les films et tout. Je pense qu'ils vont pas, ils ont pas fait tout ce bazar avec avec la Comic Con pour passer un truc tout pourri des visiteurs du futur ou je sais pas moi. Enfin, jamais les visiteurs du futur, mais je veux dire, ils ont pas réservé la grande salle pour passer à l'épisode des visiteurs du futur ou de nous, quoi, tu vois. Ah, c'est clair. Voilà, c'est eux que je parlais au début. Voilà, ça c'était tous les invités en bois. Je veux dire, Comic Con, dans le mot Comic Con, il y a le mot comique. Il n'y a pas le mot noob ou YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc Voilà. voilà. Je pense ou alors ils sont complètement teubés s'ils font la Comic Con avec un truc surtout les mecs de New York, donc Elle est quand déjà la truc? C'est quand? C'est au mois d'avril? c'est du 23 au 25 octobre 2015. Ah, c'est octobre 2015. Ah ouais, c'est bientôt là du coup. Ouais, c'est bientôt. Ah, il faut qu'il se bouge pour annoncer les autres invités, parce que là c'est un peu rush quand même. Il y a eu l'acteur de Iceberg aussi dans les X-Men qui sera là. Wow. En fait, dans un sens, les invités, c'est bien qu'ils les annoncent un peu plus tard, parce que quand tu fais comme la Paris Comics Expo, le Lille Comics Festival, les mecs, ils avaient annoncé 3 000 invités 6 mois à l'avance, 2 semaines avant le festival, il y a moitié qui venait pas, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, autant qu'ils annoncent les mecs quand ils sont sûrs, certains qu'ils vont venir, et comme ça, on est content, plutôt qu'annoncer des mecs de fou, et au final, ils viennent pas, quoi. Moi, si pour que je monte, faut qu'il y ait vraiment du très très lourd, hein. Genre, si tu m'annonces Jeff Jones ou un truc comme ça, je monte, mais sinon. Moi, j'y serai, je couvrirai le festival, mais. Toi, tu y seras. Wow. Putain, c'est sérieux, tu vas? Ouais, je vais y aller, j'aime bien. Tu fais partie des mecs qui ont pris le pass à 200 euros, là? Le pass VIP? Non, j'ai pris le VIP à 500 euros, moi. Je me Ouais, suis fait plaisir. carrément. Et tu sais Ouais, que, j'ai le droit de dîner avec quelqu'un, genre, je pense que je vais prendre le mec qui joue Iceberg. ah oui, Iceberg, C'est putain, pas d'accord. vrai. Non, Ok, il y a le mais. choix entre Frank Miller, Bendis, il prend le mec qui joue Iceberg. Bah, tu sais pourquoi pas? Tu sais que. Attends, j'avais vu là, ils ont vendu tous les passes VIP. Hein. Il y a quand même Ouais. un bon paquet de pigeons en France. Ouais, tous les passes VIP, ils sont vendus. Je vais aller voir sur le site. Le pass à 150 euros, là, qui te fait rentrer une demi-heure avant. Puis il y a 2-3 avantages. Tu peux aller faire pipi 2-3 fois dans la journée. Il te donne l'autorisation de sortir. On en avait parlé l'autre fois. Non, non, le pass VIP est encore en vente. Je vais C'est aller le voir. pass 3 jours Ah, qui c'est est le en pass 3 jours. Et il coûte combien? vente. Le pass VIP? Non, le pass qui est en rupture de stock. Je sais pas, il est plus dessus forcément, vu qu'il est en rupture de stock, mais Et il est cher. il était. Non, je sais pas, il n'y a plus le truc, mais quand tu vas sur leur truc de vente, bah, tu vois 200 euros le pass VIP, D'accord. 16 euros la journée du vendredi, 19 euros le samedi et 19 euros le dimanche. Alors, je dois abuser, ça doit être le pass 3 jours, ça doit être le pass à 50 euros, je pense, non? C'est pas un truc comme ça? Ouais, ça devait être quelque chose comme ça. Voilà. Et donc Putain. ouais, avec le pass VIP, t'as droit aux 3 jours du festival, t'as droit à une place assise où tu veux dans la grande salle pour les annonces et tout. En plus, tu peux rentrer 10 minutes avant les autres gens, truc de ouf. T'as une rencontre exclusive avec un talent que tu veux choisir de ton choix. T'as un sac cadeau avec des cadeaux du festival et t'as un early entrance de 30 minutes par rapport aux autres gens et tu peux sortir quand tu veux. On en avait parlé, c'est ça. Donc voilà pour la partie Comic Con. Tu nous raconteras. Ouais, on ne manquera pas d'en reparler au moment venu. Ouais. Ensuite, donc les sorties comics en français du mois d'août. Eh Spectre. ben, on va passer aux sorties, ouais, qui sont pas mal d'ailleurs. Donc il y a Batman et Robin, le tome 3, qui contiendra les numéros 15 et 17, ainsi que le numéro L'Annual. Il n'y en a pas Ça beaucoup du sortit. coup. Il y a quatre numéros en fait. Ouais, Mais et puis l'annual c'est compte pas. double, donc Ouais. compte 5. D'accord. C'est pas forcément. C'est un tome sympa, mais pas forcément indispensable. Tome 4 sera déjà bien plus intéressant. Ouais. The Flash, tome 3, qui contient les épisodes 13 à 19, lui sortira le 28 août. La deuxième année d'Injustice, volume 1, sortira le 28 août aussi. Paul Dini présente Batman tome 2. Alors celui-là, je vais l'acheter mais direct, qui contient les alors numéro de Détective Comics 841, 843, 850, le 852, plus Batman 685, plus le numéro DCU Infinite Halloween Special. En fait, c'est surtout le tome qui contient le Cœur de Silence. Donc, qui fait suite à l'histoire sur Silence et qui apparemment est vraiment très très bien. D'accord. Et je remercie Urban de republier ce truc parce que je le trouvais plus en Panini ou alors à des prix Ouais, comme d'hab. scandaleux, ouais. Et dernière sortie, c'est Garth Ennis présente Hellblazer tome 2 qui contient les numéros d'Hellblazer du 57 au 71 plus un numéro spécial plus Tainted Love. Ah là, il y a Et du ça matos, là. aussi, Hein. Putain. voilà, sortira le 28 août. J'ai pas lu le tome 1, mais c'est des trucs que je garde dans un coin de ma tête, parce Pareil. qu'apparemment ça vaut le coup. Pareil, hein. C'est quoi, je vais les faire. Là, je vais Et avoir de vu que je me suis l'argent, là. tapé la série Constantine, j'aimerais bien, tant qu'à faire, lire un bon comics de Constantine un jour. Ah, tu m'étonnes. Ok, on va passer donc aux News Comics VO. Donc là, pas grand-chose, pareil, à cause de la SDCC. Bon, on a appris que Tomasi et Takara, ils allaient récupérer Detective Comics à partir d'octobre. Ah, oh, ça c'est bon ça. Ouais. Moi, je Ah suis ouais. pas trop fan de Takara, mais ouais, Tomasi, ouais. Ah ouais, puis c'est surtout qu'on aura enfin dans Detective Comics, du coup, par Tomasi, on aura enfin des interactions entre les membres de la Justice League façon DCU, quoi. C'est ça, ouais, il tient compte de la continuité, ouais. Ouais. Et ensuite, on a 8 nouvelles mini-séries en 6 parties pour 2016. Alors attention, Swamp Thing par Len Wein, donc je crois que c'est un co-créateur du personnage. Ensuite, on a Metal Man par Len Wein aussi, Raven par Mark Wolfman, Firestorm par Gerry Conway. Donc à chaque fois, je crois que c'est ça, hein, c'est toujours les auteurs originaux il me semble que c'est les personnages qui ont inventé les artistes, enfin les scénaristes qui ont inventé les personnages. Il y avait une histoire récemment avec Jerry Conway, je sais pas si vous aviez suivi, avec DC, il y avait eu une petite embrouille. Ensuite, on va avoir Katana Cult of the Cobra par Mike W. Barr. Et ensuite, Poison Ivy Cycle of Life and Death par Amy Chu, Métamorpho par Aaron O'Presti et Sugar et Spike par Keith Giffen. Alors, il y a des titres qui vous intéressent? Moi, il n'y en a aucun. Moi, il n'y en a aucun non plus, ouais. Et Vinch? Ouais, peut-être Firestorm pour voir ce que ça donne, mais sinon, non, rien de spécial. Franchement, non, rien. Ouais, tant mieux que ce soit des mini-séries au final. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Bah, ouais, Si, peut-être les Metal Men, vite fait, parce que je les avais bien aimés dans Forever Evil, mais c'est vraiment si on me l'offre et tout, quoi. Sinon. Ok, ça va. Voilà, bah, c'est tout pour les news, hein. On va passer au review film avec l'anime Justice League Golden Monster. Vin, je sais que tu l'as vu Spectra? Non, je l'ai pas vu du coup. D'accord. Toi, Vin, je t'ai aimé, hein. Moi, je trouvais ça pas mal. C'est pas que j'ai pas kiffé ma life, mais ouais, c'était pas mal. Alors en fait c'est une version alternative, donc dans un monde bien plus sombre, où en gros Batman en fait c'est un vampire, Superman en fait c'est le fils de Zod et de sa mère, et Wonder Woman en fait je crois qu'elle fait partie des New Gods, c'est ça? C'est la Ouais, c'est fille ça, d'un... c'est de New God. Voilà. Et donc ils sont là, et donc ils s'occupent des affaires courantes entre guillemets, sauf qu'ils butent tout le monde quoi, ils réfléchissent pas quoi, quand il y a une menace ils la tuent directement, ils... Et puis voilà. Et donc suite à ça, il va y avoir une attaque de sorte de, ouais, on va dire, ouais, c'est carrément des Omak en quelque sorte. Et donc voilà, ils vont devoir être confrontés à ces bestioles-là. Et donc il y a un mec qui gère tout ça derrière dans l'ombre. Et donc voilà, ils vont essayer de découvrir qui c'est. Voilà le pitch. Moi, je me suis fait chier du début à la fin. L'animation, elle est juste catastrophique. C'est même pas du, je crois que l'animation traditionnelle, c'est 25 ou 26 images secondes. Là, on doit être sur du 15 ou du 20, c'est saccadé à mort. Alors peut-être c'est pour donner du charme de la série des années 90, mais moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Après, l'histoire c'est ultra classique, et la résolution c'est pareil, rien d'extraordinaire. Donc voilà, j'ai vu que beaucoup de monde ont aimé, moi laissez-moi 39 Atlantis que cette série-là, quoi. Vinch, ton avis? Ouais, non, moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que toi. J'ai bien aimé la revisite des personnages. L'animation, moi, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment du Bruce Timm, donc ça me rappelle les séries que j'ai kiffées quand j'étais plus jeune. Maintenant, voilà, c'est vrai que la résolution, elle est un peu, elle est rapide. Maintenant, je m'attendais pas trop à qui était ce vilain, tu vois. Donc, j'ai été surpris. Sinon, ouais, mais moi, j'ai trouvé ça bien meilleur que genre Justice League War ou Batman Robinson of Batman, genre de conneries. J'ai trouvé ça mille fois mieux ce truc-là. Maintenant, c'est sûr que c'est un Elseworld complet et c'est pas non plus révolutionnaire quoi. L'histoire en elle-même, elle tient sur un post-it ennemi, mais je trouvais ça plus intéressant que certains animés qu'ils avaient fait. Et j'ai bien encore bien aimé l'univers, etc. Comment ils ont développé. Je trouvais ça intéressant pour une fois de changer un peu, de tout avoir les mêmes délires. Et ouais, voilà. Et puis c'est du brousting, quoi. C'est vrai que je pense que la même histoire, mais en version dessin animé, comme ils avaient fait pour Sons of Batman, j'aurais peut-être moins kiffé aussi. C'est plus. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas l'histoire du siècle, mais j'ai passé un bon moment en le regardant, en perso. En plus, même les designs, hein. Moi je trouve que le design de Batman il est pourri. Celui de Wonder Woman avec son vieux casque, je l'ai pas aimé non plus. Et Ouais, ça c'est pour garder les traits New God, et l'autre, c'est parce que c'est un vampire, c'est Kirk Langstrom, mais pas transformé en Man-Bat, mais ouais. C'est vrai que le costume de Batman, il est un peu. Il fait pas Batman du tout, quoi. ouais, voilà. Après, ouais, y a plein de clins d'œil, mais franchement, voilà, ça casse pas trop patte à un canard, quoi. Ouais, maintenant j'ai été un peu déçu de pas, parce que tu vois genre qui, tu vois Cyborg, enfin Cyborg, tu vois Victor Stone, tu vois deux, trois personnages qui sont censés devenir des héros, qui ne le deviennent pas parce qu'ils crèvent. J'aurais juste trouvé ça cool de voir ce que devenait genre Bruce Wayne et Diana Price dans cette version-là, mais tu les vois pas du tout, parce qu'ils n'ont pas existé, je sais pas. Ouais, moi je me suis fait chier, donc voilà. J'attends le prochain dans la continuité, parce que D'ailleurs, c'est quand le prochain animé qui sort? Je saurais pas. 2016 là, il y en a trois là. On en avait parlé il y a 15 jours. Il y a Batwoman, enfin Batman Ouais, Bad ouais. Ah, Blood c'est avec 2016, Batwoman. ça. Moi, je crois que c'était 2000, je crois que c'était 2015. Je crois que c'était fin d'année, moi, celui-là. Non, ils les ont annoncés pour 2016. Il y a celui-là, Killing Joke, et il y a JLA Titan aussi. Ouais, Titan, ouais. Moi, je pensais qu'il y en avait encore un cette année, c'est pour ça. Ouais. Tant pis. Peut-être en fin d'année, je sais plus. Enfin, moi, en tout cas, j'attends plus Bad Blood et Titan que Killing Joke, Ouais, personnellement. Killing Joke, je trouve qu'il est très bien en comics. Moi, je vois pas trop le kiff de le réadapter, mais bon, faut voir. Je regarderai pour voir ce que ça donne, mais perso, le comics de Alan Moore me suffisait. Ouais, ça suffisait. Ouais. Moi, j'ai envie de voir la progression de l'univers à la télé, donc voilà. D'ailleurs, Killing Joke, c'est un Elseworld ou ça va s'intégrer dans la continuité des. Non, c'est pas un S1 Killing. Je parle dans l'univers télé? Ouais, dans l'univers télé. Non, dans l'univers télé, je pense que ce sera un peu comme Dark Knight, hein. Un truc, Ouais, un truc légende, quoi. ouais, voilà, un truc comme ça, Normal. en gros, un one shot, mais qui a rien à voir avec le Ouais, qui a rien à voir avec 3-9, l'univers. 3-9 Atlantis, tout ça, ouais, rien à voir, je pense. Ok, ça va. Ouais. Walou, donc, on t'a donné envie de le voir, Spectra, ou quoi? Bah du coup, non, pas du tout, mais vu que c'est Bruce Timm, je vais quand même lui jeter un petit coup d'œil. Ah mais franchement l'animation c'est pas abusé Vinge? C'est vrai que c'est plus lent, etc. C'est que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui sort maintenant? Maintenant, si t'aimes bien Bruce Timm, ça, si t'as vraiment bien kiffé les animations de Bruce Timm, ça te choquera pas pour la cause, quoi, tu Ouais vois. mais on est en 2015, tu peux aimer Bruce Timm, mais il faut que lui aussi il se mette à la page à un moment donné. Tu peux faire des belles animations, pas un truc hyper saccadé, tu sais. C'est abusé Ouais, quand même. j'ai pas trouvé ça hyper saccadé. Tu sais que c'est pas ton ordi qui a un problème Mais ou. espèce de fou, franchement, re-regarde, tu verras. Quand il y a une baston et tout, tu vois trop que c'est saccadé, tu sais, c'est pas fluide comme certaines scènes de 39 Atlantis. Après, peut-être c'est pour donner un côté old school rétro, tu sais. Je pense que c'est en fait c'est la patte de Bruce Timm, c'est son côté old school justement. Je pense que c'est moins fluide. C'est sûr que c'est moins fluide qu'à Throne of Atlantis, mais je crois que c'est voulu en fait. Ouais, ça doit être voulu, mais tu peux faire du Bruce Timm de 2015, pourquoi tu vis dans le passé? Mets ton design avec tes vieilles têtes carrées comme il fait d'habitude, mais il fait un truc fluide. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Après, bah Spectra, si jamais tu te chauffes, tu nous diras ce que t'en as pensé. Ça marche. Moi, j'ai pas compris toute la hype autour de ce truc. Enfin bon, après, chacun ses goûts. Je savais pas qu'il y avait une hype autour de ça, mais. Bah ouais, apparemment, c'est complètement culte, c'est fantastique, c'est youpi, c'est génial. Bah moi, j'ai Bah, préféré Throne of Atlantis, hein, je te le dis. c'est le côté. C'est parce que c'est Bruce Timm, certainement. C'est comme quand Morrison sort un truc, c'est Ah toujours ouais, une hype d'enfer. il faut dire que c'est bien, sinon tu comprends rien, ouais. Ça doit être ça. C'est ça. Bon bah tu nous donneras ton avis alors, comme ça on saura qui. Alors ensuite bon, on va passer au review VF, ton quart d'heure de gloire Vinch, avec pas moins de 6 reviews, parce que toi t'as pas lu de VF Spectra. Non, j'ai pas lu. Si j'ai lu de la VF, mais ah non, pas ce qu'il y a là-dedans. Mais D'accord. bon, il y a quelques trucs que je pourrais déblatérer un petit peu quand même. Bon on va laisser faire Vinch, Ouais. je pose mon casque, tu m'envoies un texto quand t'as tout fini. Ok, ça va, bah compte. Allez, compte 40 minutes environ. Vas-y, Harley Quinn, tome 1. Donc, ouais, donc Harley Quinn tome 1. Donc, le tome 1 est composé de Harley Quinn 0, 1 à 8 et Secret Origin 4. Donc, Harley Quinn, tout le monde a kiffé. Moi, j'avais un peu le début en VO, j'avais pas trop kiffé. Donc, je me suis dit, je vais le prendre en VF. Comme ça me cassera moins la tête de traduire. Donc, j'ai un peu mieux apprécié. Maintenant, c'est un truc totalement what the fuck. Il faut pas du tout lire cette série en t'entendant un truc sérieux et tout. Sinon, tu vas pas du tout kiffer. Donc déjà le numéro 0 il donne le ton, t'as 18 dessinateurs différents, ça part complètement dans un délire de fou. Ouais, ça c'était prévu à la base, c'était le Ouais, c'est truc prévu à la hommage. base, donc franchement c'est faut kiffer, faut pas t'attendre à avoir une série sérieuse, épique et tout, sinon tu vas pas aimer. Donc ouais, bon pour ce que ça vaut, moi j'ai trouvé ça pas mal du tout, j'ai bien aimé les délires d'Harley, etc. T'apprends même à kiffer le personnage en fait, parce qu'au début c'est juste une grosse conne qui suit le Joker, bah là elle est totalement indépendante, il lui arrive des trucs, elle fait sa petite vie et tout, c'est pas mal du tout. Maintenant, c'est pas non plus l'histoire qui va révolutionner le siècle, c'est vraiment un truc, t'as envie de te détendre, t'as envie de lire un truc un peu marrant, sans te prendre la tête, bah tu lis ça quoi, donc c'est pas mal. Maintenant, si vous êtes vraiment à court de thunes, n'allez pas acheter le truc, mais si vous avez envie de passer un bon petit moment, bah ouais, je vous le conseille, Harley Quinn c'est pas mal, je vais pas vous faire une review sur l'histoire, etc., parce que c'est un peu what the fuck, ça part dans tous les sens, entre la meuf qui s'achète un appartement, qui tabasse des mecs qui passent, qui se fait courser par des tueurs en série, qui se tape des barres avec un œuf, voilà, vous avez un peu vu le genre, il y a Poison Ivy qui débarque aussi, ça j'ai trouvé ça un peu con. Dans le genre Poison Ivy, elles sont genre super girl friends, elles se tapent des. Elles se font des sorifies, etc., tu vois. Sinon, c'est pas mal, c'est très délire, maintenant, voilà quoi. Ça vaut ce que ça vaut, quoi. D'accord. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai Putain, il a mis? et Vince il torche une review en 2 minutes. Et Ah on... ouais, mais t'as pas grand-chose à voir. Putain, c'est collector ça. J'ai Ouais. même pas eu le temps de rajouter un petit commentaire ou. Non, vas-y, Vas-y. tu veux rajouter quelque chose, si tu l'as lu, fais-toi plaisir. Non, j'ai lu un petit peu, mais j'ai pas aimé, je trouvais ça un peu trop lourd, et puis oh, j'étais pas sensible à l'humour, mais je trouvais que ça avait un petit côté Deadpool un peu, non, quand même. Ouais, c'est Non, le je préfère Deadpool des vachement frais Deadpool. d'essai en Si fait. je dois choisir entre les deux, Deadpool, ouais, mais c'est vrai que c'est un côté un peu Deadpool. Ils ont voulu jouer là-dessus, etc., mais je préfère Deadpool plus légitime, on va dire, que Harley Quinn. Maintenant, ça se vaut, voilà, on va dire. C'est assez une D'accord. ressemblance. Tu vas recevoir des menaces de mort là. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Tu joues à domicile là, t'es chez DC et tu nous dis que Deadpool c'est mieux qu'Harley Quinn? Ouais, mais alors, en sachant que Deadpool est lui-même fan de DC Comics et il fait souvent référence à Batman. Ouais, c'est vrai Ah. que c'est pas mal du tout ça. Ça, souvent je me tape des barres avec ça. Donc ensuite, on va passer à quelque chose de plus intéressant. Donc, Geoff Jones présente Superman tome 6, alias Secret Origins. Donc, le tome. Cet tome-là, par contre, j'ai bien aimé. Donc, j'avais déjà bien la série Geoff Jones, mais là, franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc, l'histoire porte bien son nom, c'est Secret Origins. Donc, on retrouve Clark quand il est tout jeune, tout petit, qui découvre à peine ses pouvoirs, etc. Donc, là, on va un peu retracer sa vie, on va le voir avec Pitross, on va le voir avec Lana, etc. C'est assez rapide. Donc, c'est pas du tout problématique, ça tient sur quelques pages, 5-6 pages par-ci, 5-6 pages par-là, on voit son évolution au fil du temps, on voit comment est-ce qu'il va recevoir son costume de Superman à ce moment-là, on va apercevoir Lex Luthor, donc là, ils reprennent un peu l'idée de que Lex Luthor habitait à Smallville, comme dans la série Smallville ça, c'était Superman, Kryptonite, je pense, ou quelque chose comme ça, ou Origine Secrète, un autre truc qui était sorti chez Urban, je sais pas si vous l'aviez lu à l'époque. Donc c'est pas mal du tout. Là par exemple, je sais pas ce que vous Smallville, le premier fait de Superman c'était de sauver Lex Luthor de sa bagnole. Là par exemple c'est son père, donc on ressent un peu les origines, enfin les trucs qui sont un peu entremêlés. Ensuite on va débarquer, rapidement voir la Légion, donc quand Superman était encore Superboy. Puis là on passe, après il y a une ellipse, on arrive. J'ai eu peur parce que je me suis dit on va se taper la Légion, j'avais pas trop envie. Ensuite il y a l'arrivée de Supergirl aussi, je pense, qu'on voit rapidement un vaisseau et Superman est tout content. Parce qu'il voit un vaisseau, après on passe à une ellipse, on arrive à Metropolis, là on va carrément arriver dans le vif du sujet avec Luthor, donc Clark Kent qui fait ses débuts dans Metropolis, Superman qui se découvre, on voit la scène culte du film Superman 1 avec Lois Lane qui tombe, l'hélicoptère avec, il rattrape Lois Lane, il sauve l'hélicoptère, tout ça, je pense que tout le monde connaît cette scène. Tout le monde découvre Superman, c'est tout beau, c'est génial. La parallèle, il y a Lex Luthor, son emprise sur la ville, franchement j'ai vraiment bien aimé ce tome, on voit le Parasite aussi. On voit Metallo, sa création. Donc franchement voilà, donc c'est vraiment des origines de Superman, mais elles sont très bien travaillées, j'adore les dessins aussi. C'est un tome 6, mais voilà, le mec qui a pas les 5 premiers tomes, il peut l'acheter sans problème en fait. Ouais, voilà, c'est Gary Frank qui est au dessin, donc Jones au scénario. Franchement, les dessins sont sublimes. Je suis toujours épaté de voir la tête de Superman qui ressemble vraiment. On voit l'inspiration qu'il a pris dans Christopher Reeves, en fait. Quand vous regardez les dessins, à un certain moment, vous avez l'impression de voir une photo de Reeves, en fait. D'accord. Mais sinon, franchement, ouais, c'est hyper kiffant. J'ai vraiment bien aimé. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est très bien travaillée. Franchement, foncez. Que vous connaissiez rien à Superman, que vous ayez lu tout de Superman, etc., c'est super intéressant. Donc ouais, ça c'est une lecture que je conseille vivement, et donc c'est un très bon tome pour conclure la série. Donc voilà, c'est bien mieux que ce qu'il y avait eu avec la Légion, etc., ou le tome qui était le tome 3 et 4, je pense, qui était tout pourri pour moi, parce que enfin il y a beaucoup de gens qui aiment bien la Légion. Moi j'ai déjà je suis pas déjà pas trop fan, et en plus C'est quand t'arrives au plein compliqué. milieu de la Légion, t'as 3 600 mecs et tu sais même pas qui c'est. Les C'est gars, clair. c'est des pecnofinis avec des noms à coucher dehors, tu vois. Donc moi quand j'ai découvert ça, j'étais un peu ok, c'est quoi ce délire? Donc là maintenant non, on a vraiment du Superman avec Lex Luthor, etc., certains vilains, Lois Lane, du Clark Kent, donc c'est vraiment super. Donc voilà, ceux qui sont tentés par Superman ou qui ont déjà lu les 5 tomes, surtout n'hésitez pas à acheter le tome 6. Ouais, moi je vais l'acheter. Là, je vais avoir des sous. Je vais me faire péter 15-20 tomes d'un coup, je crois. Tout ce que je suis en retard là. Ok, t'auras de quoi lire comme ça. Ouais, grave. Wally, tu n'as. Wally, non, ça c'est toi. Spectra, tu n'as rien à rajouter? Je n'ai rien à rajouter, j'ai lu aucun, honteusement, je n'ai lu aucun numéro de Geoff Johns présente Superman. Bah tu devrais, en tout cas le tome 1 et 2 et le tome 5 et 6. Le tome 3 et 4, tu peux carrément faire abstraction, mais. Moi j'ai lu le 1, j'avais trop kiffé, j'ai lu le 2 un peu moins. Et celui avec Brainiac, je m'étais fait chier, je sais plus c'est lequel. C'est le 5. Bah, Brainiac, j'aurais trouvé ça pas trop mal, Ah c'est un peu Brainiac c'est le mouvant. 5 hein. Le premier je crois, avec ou le deuxième, il y avait Bizarro, j'avais kiffé aussi, c'était marrant. Je crois que c'était le Ouais, je crois que deuxième, je c'était me le rappelle deuxième, ouais, plus. Ouais. bizarrement. Deux premiers j'avais bien kiffé. Et après je sais plus où j'en suis. Mais il y a le 3 et 4 avec la Légion du 30e siècle, et puis il y Ah a la oui Légion voilà, des Trois Mondes. ça c'était sur deux tomes, ça m'avait gavé, j'avais rien compris, il y avait trop de mecs comme tu dis là. Et Ouais. après ouais je suis en retard, ouais, il me manque les deux derniers. Et donc voilà, maintenant on va passer à un truc qui va être très rapide. Catwoman Je vous c'est dis nul, pourquoi, parce c'est que ça? c'est trop pourri, ouais. Donc Catwoman, tome 5, ils ont collé un bel autocollant sur la couverture avec marqué fin de cycle. On est très contents d'ailleurs. Donc là-dessus, donc le tome, c'est donc du New 52. Il y a le numéro 25, 27 et à 34, et le numéro futur Ends 1. Donc voilà, donc ben, c'est la suite de Catwoman. Comme je l'ai dit déjà la précédente fois, c'est tout pourri. Celui-là, c'est encore une fois tout pourri parce que Et tu l'as l'histoire quand des même gens. acheté. Je t'ai dit quand même Comment? c'est pourri, mais Ben, je je vais me suis dit l'acheter. je vais le finir, quoi. J'avais commencé et tout, donc je me dis je vais les finir. Et j'avais de l'espoir, en fait, le tome, le 25, ça passe, parce que c'est du zéro hier, c'est pas mal, et tous les dessins sont jolis, donc ça passe. Puis on revient, on arrive à Gotopia, donc ça, c'est tout pourri, parce que déjà, ceux qui avaient lu, c'est un event qui était sorti en kiosque, sur Batman et sur Batgirl. Donc là, on arrive de nouveau dans Gotopia, avec du côté de Catwoman. Donc déjà, Gotopia, ça date d'il y a 3-4 mois pour la plupart des gens qui lisent le kiosque. Donc là, on retombe là-dedans, dans les teens, c'est tout pourri, tu vois, c'est des teasings, t'en as rien à foutre, c'est totalement hors de l'histoire en plus. Enfin, moi, je trouvais ça con, j'aurais préféré qu'il l'enlève et qu'il le mette dans le kiosque directement, en fait. Puis après, tu retombes dans une histoire avec Catwoman qui évolue, enfin, toujours les mêmes délires, elle est voleuse, elle se fait attraper, elle en a marre, elle doit refaire Catwoman, enfin, voilà, quoi. Il y a un moment sympa avec le Mirror Master de Flash, etc. Mais enfin voilà, c'était tout pourri. Le seul truc qui est bien, en fait, pour moi, c'est le futur Ends 1. Pourquoi? Ben parce que ça se passe, en fait, 5 ans après, mais le statu quo qu'il y aura dans Catwoman Eternal. Donc c'est avec où elle dirige les parrains de la pègre, ou avec le Falcon, etc. Donc c'est pas mal, c'est rapide et tout l'histoire, mais j'en trouvais pas trop mal. Je veux dire, pour moi, c'est ce qui sauve le numéro, et c'est ce qui donne un peu envie de lire la suite qui a l'air bien mieux, et qui s'appelle Catwoman Eternal. Ah, ça c'est comment ils l'auront baptisé Urban, ouais. Mais apparemment elle est bien cette série. Ouais, ben en fait c'est la suite tout simplement de Catwoman, mais ils l'ont rebaptisé Eternal tellement qu'ils ont remarqué que Catwoman c'était moisi. Ils se sont dit, ils ont trop peur d'appeler ça Catwoman tome 6 et que les gens ils achètent pas, en fait. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'ils ont précisé fin de cycle, etc. Et alors il y aura la suite qui sera tout beau, tout propre. Donc voilà, je me suis sacrifié jusqu'au bout pour lire ça et pour voir si ça devenait intéressant ou pas. Mais en fait non, franchement, passez votre chemin toujours, encore et toujours, n'achetez surtout pas ça. Voilà. Donc c'était une review rapide pour un tome très merdique. Ouais. Donc ensuite, Batman tome 6, ça va être rapide aussi. Ce sont tous les tie-ins qui sont sortis en kiosque, en fait. Enfin, les tie-ins qui se racontent tous les arcs qui se passent entre, en fait, donc entre les arcs qui sont sortis Entre Ouais, clair. les gros events, Entre, là, entre ouais, chaque voilà, event, il y entre a... tous les arcs scénaristiques, il y a eu un ou deux épisodes, voilà, donc ils ont tout groupé là-dedans, ils ont groupé aussi le fameux Détective Comics 27. Moi, perso, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout, ce tome 6, parce que j'avais déjà lu de 1 en kiosque, et puis j'ai pas vu l'utilité de le faire. Je pense qu'ils l'ont fait, pourquoi? Parce qu'en US, aux US, ils l'ont fait comme ça, et parce que C'est les ça. gens demandaient de voir les numéros. Maintenant, genre, l'arc sur Clayface, il est sympa vite fait, mais je veux dire que ça a aucun Ouais, intérêt pour c'est l'histoire, ça a aucun intérêt pour le lecteur, pour les complétistes. voilà, c'est un tome pour les complétistes, c'est pas, je trouve ça même con d'avoir appelé ça un tome 6, parce que ça se passe, avant, peu d'an, après ce qui a été lu. Il y a même le Batman 27 qui est totalement HS, qui c'est du Detective Comics en fait, mais c'était le numéro hommage pour les 75 ans du Chevalier Noir. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Maintenant, ouais, si les complétistes, ils veulent le lire, ils veulent connaître des trucs sur Batman, mais qui n'ont aucun intérêt ou aucun impact, ils peuvent le lire. Maintenant, si vous avez pas beaucoup d'argent et que ça vous en foutait total de savoir que Batman il a tabassé Clayface et de vous revoir l'histoire de As Chemical revisité, passez votre chemin, quoi. Ok. Ensuite, on va passer à du lourd, donc Gotham Central. Donc le dernier tome, c'est malheureusement la fin. Donc après 4 tomes magnifiques, donc on arrive à la fin. Donc là, ça se découpe encore en enquête policière. On a un côté un peu plus super-héroïque cette fois-ci parce que en fait, ça se passe, il y a des meurtres. Donc on retrouve Robin mort, tout simplement. Donc là, toute la ville est en émoi. Putain, Robin est mort. Est-ce que Batman est au courant, machin? Donc dans 2 numéros, on hésite si c'est vraiment Robin ou pas. Bon, maintenant les gros fans de Batman, ils sont au courant que c'était pas vraiment Robin. Donc après, il y a un deuxième Robin qui meurt, etc. Et en fait, c'est Atari qui achète des déguisements, qui déguise Robin, qui débute, quoi, en gros. Donc il va y avoir tout un cheminement, on va voir les Time Titans, on va voir Batman qui va apparaître vite fait. C'est bien fun, on suit les enquêtes policières, etc. Pour au final découvrir. Enfin, je trouve que la résolution, elle tombe un peu à plat parce que c'est un peu con, le mec qui tue ça, quoi. Qui tue les mecs, mais bon, soit, passons. Je vais pas révéler qui c'est, parce que sinon, la moitié du tome, elle est foutue pour ceux qui aiment bien suivre l'intrigue et essayer de découvrir eux-mêmes qui est le tueur. Ensuite, on a un truc qui est un peu HS, en fait, ça se passe peu dans Infinity Crisis. On a rapidement un truc, enfin, le sorcier suprême est mort, le spectre pète les plombs, donc ça, c'est peu dans l'event Infinity Crisis, comme je l'ai dit. On voit rapidement, Shazam qui se fait encore appeler Captain Marvel qui débarque. On voit rapidement les 7 péchés capitaux qui agressent un peu les gens. Enfin, c'est un truc, ça j'ai pas trop kiffé. J'ai trouvé ça un peu trop super-héroïque au milieu du tome. Ouais, par rapport au reste de la série, ouais. Ouais, par rapport à la série, puis j'ai trouvé ça un peu pas utile de le mettre vu qu'on n'est pas du tout dans le moment Infinity Crisis. Donc là, tu vois, tu comprends pas du tout ce qui se passe. En fait, tu vois un énorme truc orange au milieu du ciel, les flics qui débarquent. Tu vois Captain Marvel qui tombe du ciel, il se dit, ah mais il y a 7 péchés capitaux, bon bah je vais aller sauver ma famille, ce qu'il y a. Et tu vois les flics qui pètent un peu les plombs, et ça s'arrête là, quoi. Ouais, Donc d'accord. c'est un truc entre deux. Puis après, t'as l'enquête Corrigan qui continue. Donc Corrigan, c'était une enquête qui avait déjà commencé dans le tome 2, ou tome 3, tome 2, je pense. Donc Corrigan, c'est le spectre, en fait, plus tard, dans le New 52, c'est le spectre. Mais là, à ce moment-là, c'est juste un médecin légiste ripou, un gros enculé, qui vole de la drogue et tout. Donc voilà, donc là c'est l'autre moitié du tome. Ça j'ai kiffé, je suis juste déçu en fait qu'on n'a pas là vraiment la fin. Donc je vais pas spoiler, je vais pas révéler l'enquête parce que. Mais ça franchement j'ai kiffé lire cette enquête-là, etc. Parce qu'on voit vraiment l'évolution, etc. Les coups bas, enfin franchement c'était vraiment pas mal du tout. Je suis juste déçu de la fin parce que voilà, ça tombe un peu à plat pour moi la fin. Il parle la mort d'un personnage important, le fait que tout n'est pas résolu, etc. Maintenant je sais pas s'il y aura une suite, pas à Gotham Central, mais je sais pas si qui part, on aura une suite en fait à ces délires-là. Aucune idée. Alors là. Donc voilà, je sais pas non plus du tout, puisque je connaissais pas trop Gotham Central, seulement de nom, mais donc voilà, j'ai vraiment kiffé ce tome 4, j'ai kiffé toute la série, et si vous l'avez pas encore acheté, achetez très vite le tome 1, 2, 3 et 4, et régalez-vous, parce que c'est vraiment une putain de série, surtout si vous aimez les intrigues policières, polars, etc., genre à l'ancienne, sur un fond de super-héroïque, c'est pas mal du tout. D'accord. Mais sans trop se taper du voilà. Pour dire franchement, en 4 tomes Batman, je pense qu'on le voit sur 8 planches maximum, quoi. D'accord. Maintenant, on voit des fois quelques vilains, on voit Mr. Freeze, on voit le Joker, etc. On voit Poison Ivy vite fait, mais c'est pas non plus les trucs qui vont voilà, il y a une intrigue dans une demi-intrigue, le Joker il tue des gens, etc. Ben on voit le Joker et on voit juste Batman à la fin, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. On voit une page au moment où il se Ouais, voit notaire c'est faire plus terre à décide. terre, quoi, bien sûr. Voilà, c'est plus terre à terre, donc franchement, Voilà. c'est beaucoup mieux, j'ai bien aimé, ça sort un peu de tout ça. Et donc, on va terminer par Earth 2, tome 2, je pense que ça, tu pourrais un peu en parler aussi, Spectra, parce que tu le disais en VO, non? Ouais, j'ai lu. Bah, c'est le dernier tome. Je les avais achetés en TPB, les deux premiers. Je crois que j'ai fait les trois tomes, ouais, trois premiers En tomes. Ah, TPB. justement, là, donc, on a Ouais. le TPB. On est des pros de TPB. l'anglais ici. Putain. Donc, justement, là-dedans, on a R2 volume 2, The Tower of Fate. Fate. Et R2 volume La 3. Tower of Fate. La tour de Fate. Ouais. Ouais. Ouais, la tour du destin. Putain, The Tower of Fate. t'as Et Battle arrêté Cry. l'école en CE2 ou quoi? Allô? Je préfère pas parler de ça. Ouais, vas-y, Et donc ensuite on a RC2 volume 3, Battle of Cry, Annual 1, Annual, annual. Annual, moi les accents. Et donc qui c'est 13 à 16, donc c'est en fait c'est les deux TPB qui sont sortis en qui ont été regroupés dans ce tome-là. Donc vu que tu les as lus, bah, je propose que tu en parles un peu, Spectra. Ah ouais, alors moi je les ai lus il y a 10 ans, mais alors du coup si ma mémoire est bonne, en fait dans le deuxième tome on rencontre le personnage du docteur Fate. Wow, bravo. C'est pas mal hein. En gros. Et puis dans la suite, eh ben ça Et en permet cours aussi, non? d'introduire un peu le nouveau Batman. Tout à fait, tout à fait. Donc ouais, donc comme son nom l'indique, comme tu l'as si bien dit, c'est The Tower of Fate. Donc ouais, donc ça se concentre vraiment sur la tour du destin avec Flash et donc Naboo. Ensuite, ben, on revient sur Terre avec Green Lantern, les merveilles, le nouveau Batman donc qui apparaît encore furtivement à ce moment-là, donc on n'entend pas trop parler. Et on voit l'armée mondiale et une nouvelle merveille qui décide de combattre le grand méchant Steppenwolf. Et donc voilà, donc c'est un tome. J'ai bien aimé la première partie, la deuxième, il se passe pas grand-chose, c'est beaucoup de discussions et c'est seulement vers la fin qu'on a de l'action. Maintenant, en sachant ce qui va se passer après, je me dis qu'après, on aura beaucoup trop, on sera overdosé d'action, donc c'est pas plus mal qu'il y ait eu pas mal de discussions, etc. On voit Big Barda aussi, on voit Mister Miracle, Fury, la fille de truc. Ce que j'aimais bien dans Earth 2, jusqu'à. J'avais pas poursuivi War's End, j'avais arrêté à ce moment-là. Mais ce qui était bien, c'est qu'on se tapait pas Batman et compagnie, quoi. C'était basé sur les autres personnages. Donc on voyait du Ouais, tout Green à fait. Lantern, du Flash, c'était super intéressant, quoi. Et l'intrigue, elle était vraiment cool, les dessins, là, ils sont magnifiques. Cette Oui, série, elle était vraiment bien, quoi. je suis en train de ressortir mes TPV. Ouais, c'est bon, je vois. Du coup, ouais, en fait, c'est surtout la deuxième partie, moi, que j'avais kiffé avec le cliffhanger là, qui était vraiment cool. Et du coup, à noter que c'est la fin de James Robinson. Et après, on passera à Tom Taylor pour la suite de Earth 2. C'est ça. Ouais, mais franchement, c'était un bon tome aussi. On a hâte de voir la suite, surtout. Le seul truc qui est un peu dommage, en fait. Enfin non, en fait non, c'est rien. C'est en fait si t'as pas lu, non, c'est si t'as pas lu encore le bouquin et que tu regardes à l'arrière comme je fais tout le temps, eh ben il te spoil un peu carrément le cliffhanger de fin sur l'arrivée de la couverture, mais sinon c'est pas grave. Mais à part ça, si. Comment? C'est dommage parce que moi je m'y attendais pas du tout et tu prends vraiment une bonne claque dans la tronche quoi quand ça arrive. Ouais. Moi quand je l'ai lu en kiosque, je m'y attendais pas du tout non plus. Mais là, ce qui est dommage, c'est que ils te mettent série à suivre, donc tome 1, tome 2, puis t'as tome 3, l'ère des ténèbres, et t'as le gros truc avec le grand méchant qui se révèle à la fin, qui est en gros sur la couverture, tu vois. Donc si t'as envie de lire les résumés avant, comme tous les gens font en de base, tu vois, bah tu Comme les regardes gens, les tous images, les tu te gens, dis. pas trop Quoi? quoi. Moi, quand je prends un bouquin, je commence par le Bah début souvent et puis je finis par la fin, quoi. Mais souvent, non, ouais, non, je parle le quatrième de couverture, enfin l'arrière, quand tu vois, tu dis le résumé de ce que raconte le bouquin, non? Tu vois, à l'arrière, t'as Non, le résumé. hein. Les Non, nouveaux non, héros de Terre 2 sont sortis en victorieux de leur première bataille. non. Ah, Non, donc non, toi, tu lis le non, résumé du livre après avoir lu le livre. non. Non, non, moi je m'en bats les couilles du résumé, je peux pas lire un résumé, je veux lire l'histoire complète. Donc j'ouvre mon bouquin et puis quand j'ai fini, je regarde le dos du bouquin. Ouais, bah, souvent, les gens regardent à l'arrière pour voir de Ah quoi oui, parle le après bouquin avant de l'acheter, tu vois. tu peux te toucher sur le bouquin en te disant putain qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qui se passe derrière? Oh putain oui, oh il est beau ce bouquin. Tu peux Non, ou ouais, bah moi pas? j'ai tendance à me toucher un peu sur le bouquin quoi pendant un moment donc Non, de base, moi souvent je regarde de quoi il parle, tu vois. Quand je connais pas trop l'histoire, je regarde à l'arrière et je me dis tiens, je vais lire le résumé pour voir si ça me plaît ou pas avant d'acheter, de dépenser 20 boules pour un livre, ben tu le feras plus maintenant. Oh, mais je connaissais déjà le vilain donc on fout un peu. Je parle pour les gens, les novices quoi, le gars qui connaît pas du tout l'histoire, qui regarde, il fait oh, tiens, il y a un truc en méchant à l'arrière du bouquin et c'est bizarre. Ah, ben voilà, là vous êtes prévenus. Hein. Mais ça, c'est Urban aussi. Ils ont l'art des fois de spoiler leur truc en mettant des images. Ouais, mais Genre tous, sur ils la font ça. couverture aussi, ils le font pas mal. Ils font tout ça, ça fait vendre. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est débile. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour les reviews. Les Les reviews reviews CS. VF. On va passer aux reviews Comics VO. On va commencer par Justice League 42 Spectra. Ouais, on va commencer par du très lourd tout de suite. Donc, comme d'habitude, quand on parle de la Justice League, on va se débarrasser de ce qui est évident, hein. C'est super beau, c'est magnifique, c'est somptueux, Fabok est au top, sa Wonder Woman est vraiment sublime. Voilà, ça c'est fait. Sinon, concernant l'histoire, donc on recommence, on retrouve nos héros dans plusieurs groupes assez disparates, avec Superman et Luthor qui se retrouvent coincés sur Apocalypse, Wonder Woman et les autres qui vont affronter Grail, la fille de Myrina Black et de Darkseid, qui travaille qui est aux ordres de l'Anti-Monitor. Et ces gens-là vont être sauvés par Metron, avec sa fameuse chaise de Mobius, c'est ça, hein, la chaise. Ouais, c'est ça, ouais. Et suite à ça, s'ensuivra un changement de statu quo pour un personnage qui est assez important. Ouais, mais c'est con, il avait déjà dit ce que c'était dans le... Alors, du coup, je sais pas, est-ce que je spoil la tronche de tout le Non, monde ou... spoil pas, mais il l'avait fait dans le magazine Divergence, là, du FCBD, là, il y avait déjà la truc qui était marqué, qui était montré dedans. Et en tout cas, le changement est assez radical, et puis il arrive à... Enfin, il y a des interrogations qui restent en suspens. Je me demande comment Jones va gérer ça. Ouais, c'est Et ça. parallèlement à ça, on suit ce pauvre Scott, alias Mister Miracle, qui se retrouve encore dans un fiasco, lui avec Myrina Black, qui lui expose le plan, en fait, qu'elle a conçu une fille avec Darkseid et qu'elle s'en sert pour affronter Darkseid via l'Anti-Monitor. On connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants du truc, ni pourquoi l'Anti-Monitor va absolument se fighter avec Darkseid, mais en tout cas, Jones maîtrise parfaitement son récit, c'est extrêmement bien rythmé. Encore une fois, c'est super beau, c'est franchement la Darkseid Wars, jetez-vous dessus. Le seul gros reproche que je peux faire à la Darkseid Wars, c'est que maintenant on est dans l'ère DCU, qu'on a des personnages qui ne sont plus ceux de la Justice League actuelle, et que au lieu de nous gonfler avec Convergence et compagnie, ils auraient mieux fait de lancer ça plus tôt. Mais bon, ce qui est fait, voilà. C'était juste pour faire un petit reproche. Par rapport à quoi? Bah, par rapport au fait que voilà, quand tu vois encore une fois le statut de les répercussions qu'il va y avoir pour les personnages dedans, et en sachant que dans les lectures actuelles, ce ne sont pas les mêmes personnages, enfin Ouais, c'est sûr. Ouais, non, c'est mais je comprends ce que tu veux dommage, dire. quoi. Je sais pas, au niveau de la timeline, c'est pour le coup, c'est foiré complet, quoi. Ah, bah. Ça c'est clair, mais bon après voilà, au moins chacun fait ce qu'il veut et ça pas y a plus de liberté quoi. Ouais, mais Après ça. Ouais. ça va être un coup dans l'eau, qu'on n'entendra plus jamais parler de la Darkseid Wars, dans le sens où les personnages du DCU actuellement ont aucune raison d'y faire référence, et puis avant, hormis quelques petites notions dans Convergence, enfin voilà quoi, T'en entendras parler dans Justice League. Puis voilà Ouais. déjà, voilà. Si déjà au moins il oublie pas ce qu'il a fait, c'est déjà bien. Mais après oui, c'est sûr hein, que... En tout cas, gros numéro, hein, franchement. Mais après, c'est pas dit par rapport à Batman que c'est plus le même. C'est sûr que ça va être dur à placer dans la chronologie, mais après, par rapport aux autres titres, peut-être qu'après, il y aura deux, trois allusions, tu vois. Ouais, j'espère. J'ai hâte de savoir comment il va. En tout cas, le récit en lui-même est vraiment, vraiment génial, Ouais, quoi. voilà, si on s'en branle de tous les trucs, continuité et tout, franchement, l'épisode, il est excellent. Généralement, Geoff Johns, quand il lance un event, le premier numéro, il démarre fort, après, c'est très calme, et il boucle tout vite fait en... sur le numéro de fin, et là pour l'instant ça fait quoi? 3 numéros je crois? Ouais, le 40, le 41, Ouais. le 42. Hein. Et pour l'instant, il n'y a pas de baisse de rythme quoi, ça va toujours autant à fond. Deux numéros, le premier c'était le prélude, mais Ouais, mais ouais, non, c'est puis bon. Wonder Woman dedans, elle est géniale, quoi. C'est un personnage que j'apprécie pas particulièrement d'habitude. Là, je l'ai trouvé vraiment vraiment kiffante, quoi. Ouais, super numéro, hein. Je Ouais. suis de ton avis. On va poursuivre avec Justice League of America numéro 2 par... comment il s'appelle déjà le mec? Brian Hitch. Ouais, c'est ça. Scénario et dessin. Bon, il est sorti quoi, 3 semaines avant, après le premier, donc il a quand même fait assez vite. Bon, c'est un numéro assez calme, hein, il se passe pas énormément de choses. Donc il y a Rao, l'espèce de dieu kryptonien qui arrive sur Terre. Et donc voilà, il est là, il dit à tout le monde qu'il va aider les Terriens, machin. Donc ça, comme je l'avais mis sur la review, sur le blog, ça fait beaucoup penser au pitch de l'arc New World Order de Morrison, qui était sur la série, donc sur JLA en 97. Je pense qu'il va pas tarder à sortir en VF, vu qu'ils avaient annoncé qu'après après le JLA 0, Year One, qui était publié par Urban en français, derrière ils allaient publier le run de Morrison, donc il est fort possible que le volume 1 ce sera cet arc-là. Donc c'est un peu le même délire, voilà, il y a des mecs qui arrivent, ils sont super, machin, ils sont mieux que les super-héros, et donc ils peuvent guérir le monde entier, arrêter la faim, machin et tout. Et donc on se doute bien en fait que bon voilà, au début ça part comme ça et que finalement il y aura sûrement un vice derrière tout ça. Et donc par rapport à ça, donc Batman lui il fait pas du tout confiance à ce Rao, et donc il est en train de chercher une solution pour y faire face. À l'inverse de Superman qui lui il kiffe trop de voir ce dieu-là apparaître sur Terre. Donc voilà, un numéro calme, pas trop de baston, donc c'est l'inverse total du numéro d'avant où ça se tapait grave. Et donc voilà, c'est un numéro intéressant. Par contre, on revoit plus l'espèce d'organisation qu'il y avait dans le numéro d'avant là, avec tous les clones de Superman qui étaient morts. Là, on ne les voit pas du tout, si je dis pas de bêtises. Et sinon, il y a pas mal de personnages qu'on voit pas du tout. Green Lantern, on le revoit pas. Flash, on le revoit pas. Et on voit Wonder Woman juste sur les 2 ou 3 dernières pages. Voilà. Mais sinon, un numéro intéressant. Tu l'as pas lu, Spectra? Non, non, non, j'ai pas lu ça encore. Et puis je me suis abonné à plein de trucs, donc du coup je ferai l'impasse. Je pense par contre je me les prendrai en TPB. Ça, il y a de fortes chances que ça sorte, tu penses, en français par Urban. Ouais, il y a moyen aussi, ouais. Bon, avant que ça sorte, hein, un peu. Ouais, il y a le temps. Hein. On va poursuivre avec toi, Spectra, avec le Batman 42. Eh oui, alors le Batman 42, donc toujours par l'équipe habituelle Snyder Capullo. Donc Snyder, c'est un peu la construction identique de l'épisode. Beaucoup de questionnements de Gordon sur le bien fondé d'être Batman ou pas. Est-ce qu'il est la personne adaptée? Il galère. Snyder continue à déconstruire tranquillement le mythe de Batman au grand désarroi des fanboys, hein, quand tu lis les commentaires et puis les différentes reviews que tu peux trouver. Moi, j'ai été encore très séduit par ce numéro, vraiment très emballé. Je l'ai lu plusieurs fois. J'adore. J'aime bien Gordon en Batman. J'espère juste que pour le prochain numéro, Snyder adoptera une autre construction, parce que là, le coup du vilain de seconde zone qui cache une menace plus grande, je pense qu'il faudrait peut-être attaquer, quoi. Et sinon voilà, tout c'est vraiment intriguant quoi, sur cette société Powers qui crée ce Batman là. C'est assez intéressant. Il y a un peu plus de phases d'enquête. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. D'accord. Et on voit un personnage qui avait disparu dans Endgame. On commence à voir ce qu'il devient, et le cliffhanger final est plutôt sympa quoi. Donc à voir, il y a une aura de mystère en ce moment sur les séries Batman là, donc c'est pas plus mal ça. C'est franchement une bonne bouffée d'air frais quoi. D'accord. Alors, on va passer à Cyborg 1, que j'ai lu vite fait tout à l'heure en 2-2 là. Donc par David Walker au scénario et au dessin, c'est Ivan Reis et Joe Prado. J'ai lu vite fait, donc je crois que j'ai pas vraiment tout compris. Donc on retrouve donc Cyborg, on nous fait un petit résumé de le nombre de fois qu'il est mort et qu'il a été ressuscité. Après, si j'ai bien tout capté, il s'est encore fait dégommer dernièrement par des sortes d'extraterrestres. Donc là, il a encore un tout nouveau corps. Et donc parallèlement à ça, on suit donc l'histoire de ces extraterrestres qui font la guerre à d'autres extraterrestres. Et donc sinon voilà, donc le Victor là, donc Cyborg, il passe tout le numéro à pleurer, à dire que son papa il est pas cool parce qu'il s'en bat les couilles de lui. Et donc voilà, parallèlement à ça, le scénariste commence à établir on va dire un cercle de personnages autour. Donc il y a le père comme d'habitude, il y a un vieil ami à lui qui redécouvre, et puis il y a aussi un love interest potentiel. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. Voilà, et on se doute à la fin que les extraterrestres ils vont se confronter à Victor une nouvelle fois ou une première fois, parce que comme je vous dis, je l'ai lu en vitesse. Voilà, c'est très très beau, mais après voilà, c'est pas hyper intéressant. C'est du déjà vu et revu. Le fait qu'ils sont encore en train de chialer, ça c'est assez relou. Et voilà, après les extraterrestres, ils sont beaux, mais Voilà, c'est très classique, quoi. Pour un numéro 1, ça m'a pas emballé. Je testerai le numéro 2, mais voilà, hormis les dessins, ça m'a pas troué le cul en tout cas. Walou, on passe à Detective Comics 42. Alors, Detective Comics 42, donc toujours avec le badge Chappie, qui alors dans Detective Comics, on s'intéresse plus à la patrouille qui s'occupe d'assurer les arrières de Batman, qu'on a bien besoin d'ailleurs, puisqu'au Batman lui-même. Donc il affronte un espèce de gang avec qui galère plutôt pas mal, il s'en sort pas, tout le monde s'interroge sur un peu ce Batman, est-ce qu'il est utile, gna gna gna, Gordon est toujours plein d'état d'âme et compagnie, ça fait un peu répétition de la série, enfin du propos en tout cas de la série mère pour le moment. Parallèlement à ça, il y a un agent infiltré, dont c'est Zou, dans la Bat-Patrouille, donc voilà, on laisse Batman dans une situation bien pourrie. Les dessins sont plutôt corrects, bon, c'est pas. C'est plus Manapool, il est parti. Hein. Ouais, c'est plus Manapool, c'est Blanco, donc ça passe. Il y a un petit côté, ce que je disais la dernière fois, un petit côté Gotham Central un peu dans le dessin. Mais bon, voilà, là, quand on perd Manapool au dessin, tu perds à peu près, j'ai l'impression, 70% de ce qui fait la qualité du truc, quoi. Donc j'ai hâte que Tomasi arrive pour le coup. D'accord. Un numéro bien sympa, hein, franchement, c'est toujours agréable, mais c'est pour les fans hardcore de Batman, sinon c'est pas essentiel. D'accord. Ensuite, j'ai fait moi Martian Manhunter 1. Donc, je crois qu'il est sorti le mois d'avant, mais bon, vu que c'est un numéro 1, j'ai voulu tester. Donc, par Rob Williams au scénario et Dee Barrows au dessin. Ça m'a fait penser à Cyborg dans la construction, parce que c'est pareil, c'est toujours les mêmes. Comment dire? C'est toujours, on repart toujours sur les mêmes bases des personnages au niveau du scénario. Donc, Cyborg, c'était sur ses problèmes familiaux. Lui, c'est sur la menace des Martiens blancs. Donc, voilà, on suit Martian Manhunter sur Terre. Et donc, on nous fait un petit topo vite fait de sa vie, mais vraiment vite fait. Et puis voilà, après tout le numéro, on nous montre des terroristes qui font sauter des, qui font exploser plein de trucs différents à travers tout le pays. Et donc voilà, lui, il est là, il va essayer de découvrir ce qui se passe. On voit un petit peu la Justice League. Voilà, un numéro qui se lit en 5 minutes et voilà, les mêmes poncifs quoi. Qui dit Manhunter dit Martien blanc, donc. Voilà, on se retape un peu toujours les mêmes trucs, donc voilà, pour un numéro 1, c'est comme Cyborg, j'ai pas été super emballé, quoi. Et à un moment donné, j'ai vu que le personnage, ils avaient fait une sorte de détective il y a quelques années, et apparemment c'était bien plus intéressant. Donc là, voilà, j'ai l'impression de relire ce que j'ai lu il y a quelques temps dans Brightest Day, donc c'est dommage qu'ils refassent toujours, toujours, toujours la même chose. Donc je vais tester le 2 vite fait, mais voilà, si c'est toujours pareil, je vais passer à autre chose. Ouais, dommage, il n'y a plus le côté détective de John Jones. Voilà, bah là, il y a rien, y a pas du tout ça. Voilà. Là, tu le vois au début, il y a un avion qui va s'éclater, il va pour sauver les gens, machin. Ouais, voilà, hein. Je te dis, après, à part ça, voilà, tu vois des flics, mais c'est plus pour te montrer des attentats aux quatre coins du pays, quoi. Sinon, il n'y a rien de vraiment développé. Donc, voilà, c'est archi classique. Après, le mec qui aime bien lire toujours la même chose, il risque d'aimer, hein. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Voilà, on va passer au Green Arrow 42 Spectra. Alors le Green Arrow 42, donc j'ai un peu de mal à suivre un Green Arrow, c'est un peu compliqué là pour moi, je sais pas pourquoi. Donc dans le dernier épisode, il arrêtait un combat de chiens et du coup il sauvait la vie d'un des chiens qu'il a ramené chez lui. Chez lui où il vit désormais avec sa sœur Emiko, je crois, hein. Pour l'instant, il y a toujours une vague de séries meurtres dans la ville et il y a parallèlement à ça, il y a une entreprise qui crée ce qu'ils appellent le Panopticon en fait pour aider la police à un truc un peu c'est complètement what the fuck, c'est une espèce de soucoupe volante avec plein de tentacules et qui s'occupe de détecter les crimes et puis de voilà de punir les responsables, sauf que la machine a un seuil de tolérance qui est quand même assez bas. Et du coup ça pousse Oliver à intervenir et du coup il se fight avec un méga panopticon à la fin. Et les panopticons sont détournés de leur usage de base par le responsable de la vague de meurtre. Et voilà, c'est bizarre. Je pense qu'il faudra que j'attende la fin de l'arc là pour pouvoir vous en parler clairement, parce que franchement, je sais pas. À chaque fois que je lis Green Arrow, je crois, à mon avis, ça doit être tard le soir. Je dois être super crevé, mais je. Ouais. Là, le Panopticon, ça m'a tué. Alors mine de rien, c'est quand même la lecture est pas désagréable. Les dessins sont plutôt chouettes et tout. Ça, c'est. Doit être toujours Patrick Zircher, non, sur les dessins. Ouais. Ah bah lui, il envoie du lourd, lui. Ouais, franchement, c'est pas mal, c'est assez gris et tout. Il y a peut-être le vert du costume d'Arrow qui, même le costume en lui-même qui jure un peu dans tout ça. Mais sinon, c'est pas mal. En tout cas, ils essayent de le réimplanter dans un milieu urbain après le run de l'émir et tout. Donc c'est franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. D'accord. Bonne petite série sans prétention, quoi, pour le moment. D'accord. On va passer au Flash 42, donc par Venditti, Van Jezen et Brett Booth. Donc le mois d'avant, on avait vu donc que le père de Barry s'était enfui de prison. Donc là, il va arriver sur place Barry et au premier abord, il croit que les autres détenus donc qui sont partis avec son père, ils pensent qu'ils l'ont pris en otage. Et donc finalement, il va se rendre compte que ben, en fait non, il est parti de son plein gré. Donc voilà, on a ça. Et après, bah voilà, on voit les mecs qui s'évadent, machin, tout ça. Et après, entre-temps, entrecoupé sur tout le numéro, on voit un peu le professeur Zoom à droite à gauche. Mais voilà, il nous explique pas grand-chose. Il y a énormément de mystères. On sait juste que bon, bah voilà, normalement, si tout se passe bien, Zoom, il a tué la mère de Barry. Mais après, les relations entre le père de Barry et Zoom, voilà, on a pas vraiment d'informations. Et voilà, donc le numéro, franchement, je l'ai lu vrai, il se lit hyper vite, quoi. Enfin, il se lit très vite et il se passe pas grand-chose. Et voilà, après les dernières pages, on a une scène qu'on a vue récemment dans la série télé et qui est propre au Comics Flash en général. Donc franchement, j'étais déçu parce que voilà, j'attendais la suite avec impatience et ils font un peu comme d'habitude, ils font un peu traîner leur arc. L'arc d'avant, c'était pareil avec le futur Flash. Il y avait du potentiel, mais voilà, ça traîne trop, quoi. Faudrait qu'ils se bougent un peu le cul et qu'ils accélèrent les choses. Sans jeu de mots, hein. Donc voilà, c'est sympa, mais voilà, j'ai hâte de voir un peu. J'ai hâte d'en apprendre plus sur Zoom. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même assez léger, je trouve. Walou, on passe au Black Canary 2. Alors le numéro de Black Canary 2 qui est plutôt sympathique, donc on retrouve Dina avec son groupe de rock ce coup-ci qu'elle entraîne, qu'elle forme un peu au combat vu que les concerts ont tendance à dégénérer et en plus ils sont sous le coup d'une menace pour le moment inconnue. Il se passe pas grand-chose finalement dans le numéro, c'est pas mal de donc il y a pas mal de bastons et puis pas mal d'espèces de faux articles autour du groupe, qui est le groupe Black Canary, quels en sont les membres, quelles sont les questions que le public se pose, comment ça a été formé, tout ça. Et puis il y a le retour de l'ancienne chanteuse aussi qui est là, donc se pose la question de la légitimité aussi de Dina dans le groupe. Franchement, c'est plutôt sympa, c'est assez léger, c'est assez original, ça fait une bonne petite série. Indé au sein de DC Comics comme Marvel pour en faire un petit paquet quoi, donc c'est bien. Franchement, je trouve ça sympa, ça, entre un Batman et un Green Lantern, ça fait du bien. Ok. Bon, moi je reprends sur Flash avec Daniel 4, donc qui nous teasait des explications sur Zoom et sur sa toute nouvelle équipe de Rogue. Bon, alors en fait l'épisode il est ultra classique, donc on va découvrir Zoom en 1520, donc à l'époque des conquistadors chez les Aztèques. Donc voilà, on découvre un Zoom vieillissant, et donc en quelque sorte il cherche une espèce de femme. Et en fin de compte, c'est une sorte de déesse, il va la recruter et elle va lui offrir la jeunesse éternelle. Et donc après, suite à ça, on va suivre les deux personnages qui vont aller recruter des mecs à plusieurs époques. Donc voilà, tout le numéro c'est ça. Donc ils sont là, on nous montre une situation. Après il y a Zoom qui arrive, il aide le mec qui est en galère parce que à chaque fois qu'il arrive quelque part, le personnage qu'il veut recruter, il a des gros soucis à ce moment-là. Et donc voilà, il fait ça 2, 3, 4 fois. Les nouveaux personnages, donc je pense qu'ils ont été créés pour l'occasion. Ils sont complètement pourris au niveau du design, donc aucun charisme, absolument rien du tout. Donc voilà, donc il les recrute tous un par un, machin. Après il a sa team et donc il leur explique que plus tard, parce qu'ils sont encore dans le passé, ben il y a un Flash qui va apparaître et que lui il faut à tout prix le buter parce que machin, c'est un vilain, il est mauvais et tout ça. Voilà. Donc on pense que le numéro se termine comme ça et puis en fait il y a un petit twist à la fin, on nous remontre Zoom qui en fait à chaque fois qu'il a recruté un membre, en quelque sorte, il a manipulé le membre pour qu'il puisse le rejoindre. Voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà, donc en fait, hormis les dernières pages qui relancent un peu le numéro, sinon voilà, c'est un numéro classique de comment il faut pas faire quand tu veux présenter une team, quoi. Ouais, c'est ça. Il arrive, il les recrute. Donc du coup, ouais, voilà, c'est un peu dommage. Hein. J'avais trouvé le flash. Par rapport au flash, j'en attendais plus pour que ça relance un peu la série, le Annual 4, mais en fin de compte, voilà, c'est correct, mais trop classique. On verra la suite. Tu l'as lu, Vinch, celui-là, ou pas? Vinch? Vinch, il a posé son casque. Non. Il a allumé la Play 4, il est sur Arkham Non, pas du tout, pas du tout. Je suis là, c'est juste que j'écoute à moitié parce que j'ai pas en fait lu du tout, non. Bon, j'ai écouté la review, Ah ouais, mais t'as non, peur j'ai qu'on pas te du tout. spoil? T'inquiète, on spoil pas, Voilà, nous. des trucs. T'inquiète. C'était pour me spoiler, mais non, j'ai pas du tout lu D'accord. Flash. J'attends de découvrir ça en VF. D'accord. On va poursuivre avec Green Lantern 42, Spectra. Alors, Green Lantern 42, donc on poursuit, là on a laissé les personnages la dernière fois, donc avec Hal le Renégat et son gant de Cronin, c'est ça? Ouais, le gant, C'est ça, ouais. c'est le gant. Ouais. N'oubliez pas que je suis débutant dans l'univers de Green Lantern, donc il ramène l'otage qu'il avait récupéré la dernière fois, et avec à son bord un des types qui avait fait prisonnier cet otage. Alors j'arrive pas à retrouver leur nom, mais bref, ils vont sur la planète de l'otage et la planète se retrouve complètement pétrifiée. Tous les habitants sont en pierre, la planète, tout l'environnement. Et au-dessus de la planète, on voit qu'il y a les potes du prisonnier d'Al Jordan qui sont là et qui veulent en découdre. Donc Al Jordan va leur faire tâter un peu de la puissance de son gant et montrer aussi par ce biais-là qu'il a pas besoin d'un vaisseau armé. Une bonne scène de baston, les dessins sont plutôt jolis quand ça se passe dans l'espace. Tan est plutôt doué là pour représenter l'espace, c'est assez joli. Et finalement les ennemis finissent pétrifiés aussi. Donc nous, à la fin de l'épisode, en guise de cliffhanger, on se retrouve avec le nouveau méchant de l'arc qui arrive. D'accord. Un numéro sympa. Franchement, ouais, un numéro bien sympa, ça passe bien, Green Lantern. Par contre, ça fait vraiment Star Wars, hein, c'est abusé, quoi. Enfin, moi qui suis un grand fan de Star Wars, franchement, c'est impeccable, ça me va. Et puis le méchant qu'on voit, que vous devez certainement connaître, je le trouve vraiment pour le coup stylé, charismatique. Donc Moi j'ai une lanterne, faudrait que je m'y remette parce que ça fait un bail que. Ah ben non, j'avais lu le dernier en fait. Eh oui, j'avais lu le dernier là, le 40, je crois que c'était. l'avant-dernier du coup. C'était là. Attends. Ah, parce que c'est déjà le 42, ouais, t'as lu le 40 Ouais, quand il pique le gant de Cronin, là. avant qu'ils lancent leur DCU là, tu sais, qu'ils changent un peu les statu quo là. Voilà, c'est ça. Ouais. J'avais lu, bah c'était le 39 alors. Et c'est au 40 qu'ils ont. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Je sais plus. Ouais, ça doit être ça. Ah bah en fait, je suis pas si en retard que ça. Faudrait que je m'y remette. Ouais. Ensuite, bah Lost Army numéro 2. Alors, Lost Army numéro 2, donc épisode similaire au premier. On se retrouve avec le corps des Green Lanternes qui est perdu dans un univers parallèle. Ils savent absolument pas où ils sont. La dernière fois, ils se retrouvaient face à une énorme pyramide. Cette pyramide leur permet de recharger leur anneau. Du coup, je suis super déçu. Et à la fin, une fois les anneaux rechargés, ils croisent un personnage que vous aussi vous avez dû voir dans la série Green Lantern, mais dans sa version plus jeune. Je suis déçu de ce numéro du coup parce que pour moi dans l'idée en fait, je pensais les mecs allaient pas pouvoir réussir à recharger leur anneau et qu'ils allaient se retrouver sur la planète vivable à peu près vivable la plus proche et être en mode un peu lost et compagnie. Et en fait, non, pas du tout. Ils sont toujours en train de flotter dans les airs comme des crétins, pas savoir où ils sont et à se fighter, quoi. Donc c'est du Cullen Bunn, c'est bourrin et ça avance pas des masses, quoi. Un Et peu déçu là. on sait où ils sont alors, dans quelle galaxie, qu'est-ce qui s'est passé, sans spoiler, Pas du on tout. sait plus, non, on est toujours dans le vague en fait. On est toujours dans le vague là. On sait pas vraiment s'ils sont dans un univers parallèle ou en tout cas on sait que la timeline n'est pas la même du tout. Ok. Seule certitude qu'on a après c'est plutôt bien dessiné et tout mais c'est pas transcendant non plus. On peut s'en passer de Starmie, là, X numéro 2 pour l'instant. Je vais encore quand je crois que je vais terminer l'arc et puis si je suis pas plus convaincu que ça, je pense que je vais arrêter. Ok, on va passer à un truc que j'ai trouvé mais nul à chier. Donc ça s'appelle DC Comics Bombshell. Donc c'est une série digitale. Donc déjà, bon, ils te préviennent hein, que ça va être nul. Donc c'est écrit par Marguerite Bennett et c'est dessiné par Marguerite Sauvage. Donc voilà, déjà t'es prévenu. Alors en fait, ouais, c'est une série donc dans les années 40, donc avec une réinterprétation des personnages en quelque sorte. Donc en fait, on t'explique que tous les bonhommes ils sont partis à la guerre en Europe. Et donc du coup, ben t'as Batwoman et ses copines hein, qui s'occupent des méchants criminels des États-Unis. Donc voilà, super. On a une partie de baseball qui dure 5-6 pages. Voilà. Après, on a un petit peu de baston vite fait avec 2-3 blagues en bois. On a des scènes d'intimité entre Batwoman et sa copine. Ça tchatche un petit peu, machin. Rien de transcendant. Et puis voilà, à la fin, on a un personnage pareil réimaginé pour l'occasion qui débarque en sorte d'avion hélicoptère 2.0. Ouais, voilà, franchement, nul à chier, y a rien, il se passe rien du tout, rien d'intéressant. Les dessins, ouais, les dessins, faut kiffer le style, mais ouais, franchement, c'est pas pour moi, quoi. Faudrait vous essayer, mais ça me fait un peu le même effet pour moi que Batman 66 pour Vinch. Voilà. Donc, tester pour voir, pardon. Je vois le genre, alors ça doit pas être terrible du tout. C'est pas aussi kitsch hein, mais moi je trouve que ça apporte absolument rien en fait. Bon voilà, après c'est clair et net que j'irai pas lire le 2 quoi. Bon, je tenterai parce que ça me le concept, je le trouvais plutôt sympa, mais. Bah écoute, tu me diras, moi j'ai trouvé ça pourri. D'accord. Ok, bon, on va finir là avec toi Spectra, avec le Superman 42. Le Superman 42 qui est voilà qui est plutôt moyen ce mois-ci quand même. Du coup on retrouve Superman bien vivant comme on pouvait s'en douter, bien que le cliffhanger du dernier épisode pouvait laisser supposer le contraire. On en sait plus sur la menace aussi, donc il se retrouve face à des espèces de dealers d'information, le groupe qui s'appelle Ordre. Du coup, ils vont investir le quartier de Ordre avec Lois Lane, Jimmy Olsen et Condessa. Et Lois Lane qui, au passage, découvre l'identité secrète de Clark. Hein. Ah ça y est, ça enfin, parce que ça fait deux mois qu'il nous disait pour comprendre ce qui se passe, d'attendre 2 mois dans le Superman 42, donc là ça y est, il t'explique enfin. Voilà, ça y est, elle le sait, donc c'est tout bon, elle pique sa crise, et voilà, et donc quand ils mais c'est pas qu'ils t'en faisaient tout un flanc, mais finalement ça passe relativement vite hein, ce passage. D'accord. Et une fois sur la base, du coup ils sont obligés de se friter contre des types parce qu'ils seront très vite repérés. C'est bien de lui avoir mis un nouveau pouvoir à Superman, hein, le Solar Flare, là, ces éruptions solaires, c'est sympa, mais par contre, il n'utilise que ça, quoi, maintenant. D'accord. Donc, du coup, ce crétin se retrouve sans pouvoir très rapidement, et puis là, il y a le... Au bout d'un moment, donc, il est en plein Solar Flare pour lutter contre une horde de robots, et quand tout d'un coup débarque le méchant le moins charismatique du monde, pour l'instant, et le prive de tous ses pouvoirs et voilà ça termine comme ça. Donc c'est un peu long, surtout qu'Action Comics a déjà commencé depuis un moment sans Superman et ses pouvoirs, ou du moins sans la totalité. Donc ouais, c'était pas un numéro très utile, ça serait bien qu'ils avancent un peu quoi. D'accord. Après la dynamique entre les personnages est toujours très intéressante. C'est Yang écrit franchement bien. La transi, enfin tu vois pas trop la différence d'avec Jones. Hein, les personnages sont respectés. Et puis bah Romita au dessin, c'est bon. Moi perso, je suis un inconditionnel de Romita. Les premières pages, les premières cases, je les trouve magnifiques quoi, dans des tonalités un peu automnales comme ça. C'est super beau, mais bon voilà, faudrait que le récit se bouge un peu le cul, que ça accélère un peu comme pour Flash quoi. Ouais bah je crois que ce mois-ci il est trop. Moi j'ai pas lu grand chose qui m'a plu quoi. Hormis le Justice League et le JLA, le reste globalement c'était pas terrible quoi. Ouais. Et ben bah, vas-y finis avec Action Comics 42. Hein. Bah Action Comics 42 du coup, même reproche que Superman, il faudrait que ça avance un petit peu plus vite. Donc on retrouve Clark qui se bastonne sans ses pouvoirs. Enfin enfin sans la totalité de ses pouvoirs contre un monstre qui sort de je ne sais où et en même temps on suit les habitants du quartier de Superman qui avaient organisé une petite teuf pour lui qui est contrecarré par la police. Donc du coup l'atmosphère pendant la manif est assez tendue. Finalement ils sont rejoints par Superman qui les invite à ne pas se battre, à respecter voilà la police, à se tenir plutôt à carreau. Et puis finalement la police pousse Clark dans ses retranchements et voilà. Et je pense que le numéro d'après sera beaucoup plus intéressant vu la façon dont il se termine. D'accord. Ouais, donc toi c'est ouais. Rien de transcendant, toi aussi pour ce mois-ci. Non, franchement, ce mois-ci chez DC, j'ai été plutôt Batman. Si je devais faire le trio, je dirais Justice League, Batman et Black Canary, quoi. D'accord. Non, pas Black Canary, pardon, Green Lantern, je trouve plutôt cool. Moi j'ai pas eu le temps de lire grand-chose, mais ouais, moi j'aurais mis ouais, Justice League 42 en haut et après le reste JLA 2 et après le reste ouais, bof. Non, c'était bien plus. Malheureusement, ça faisait un petit peu quelques semaines là que c'était pas arrivé, mais là chez Marvel c'était vraiment vraiment plus cool. Et chez Image j'en parle même pas, là j'ai fait quelques séries qui étaient De toute façon, plutôt chouettes. on en a fini, donc vas-y, maintenant dis-nous un peu ce que t'as fait autre. Hein. À part DC Comics, qu'est-ce que t'as fait en comics Eh ou manga, quoi. ben alors question comics, du coup j'ai donc continué mes quelques séries chez Image. J'ai attaqué une nouvelle qui s'appelle We Stand on Guard, qui est scénarisée par Vaughan et Ouais. dessinée par je sais plus qui. C'est le pitch en fait, c'est les États-Unis qui attaquent le Canada. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. Et franchement, c'est bien dessiné, c'est super bien écrit, c'est bien violent, c'est super chouette, c'est assez stylé. Il y a une espèce de monologue sur les origines, enfin une espèce de discours sur les origines de Superman à l'intérieur, c'est assez intéressant quoi. Donc c'était vraiment cool. Il y a le troisième ou quatrième numéro de Descender par Jeff Lemire et Destin Nguyen en mode aquarelle qui est vraiment vraiment joli et toujours de qualité. Et puis voilà quoi. Il y a que du bon chez Image Comics. Et côté Marvel, ce que j'ai lu de mieux, c'était le Star Wars centré sur Obi-Wan Kenobi et la série Secret Wars 1872 en fait, qui est l'univers Marvel en mode western où tout suit Iron Man, Captain America dans le western. C'est franchement super bien écrit, super bien dessiné, c'est plutôt pas mal. D'accord. Et hormis les comics, sinon? Niveau série, je me suis maté les deux saisons de Penny Dreadful. Ouais, j'ai pas accroché, moi. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé Better Call Saul, que j'ai trouvé tranquillou. Marco Polo, j'ai juste vu le premier épisode, ça m'a bien bien Ouais, branché. Marco Polo, c'est cool. Et j'ai enfin commencé True Detective, j'ai vu les deux premiers épisodes. Et bon, je trouvais la réalisation un peu moins pertinente que, enfin, moins intéressante un peu moins originale que dans la première saison, mais sinon franchement je suis plutôt convaincu hein, pour l'instant. Ouais, moi j'aime bien aussi True Detective, c'est différent de l'autre, mais les acteurs ils jouent bien, franchement Ouais, ouais ça joue, c'est là ça joue aussi. je pense que maintenant toutes les saisons l'épisode 4 ce sera l'épisode un peu où ça tire, tu vois. Donc là Ah, tu ça verras. colle. Le 4 il y a ça aussi mais c'est pas fait pareil quoi. Et puis j'ai l'impression, alors c'est juste une sensation, mais j'ai l'impression que c'est quand même que ça m'a l'air d'être connecté à la saison 1, je sais Franchement, je sais pas. Après, peut-être qu'on aura. Moi, je pensais peut-être qu'il McConaughey et l'autre là, ils vont peut-être revenir vu qu'ils sont producteurs, tu vois. Autant il y aura un petit clin d'œil ou quoi, ou ils auront un petit rôle, ce serait cool. Mais non, après, je trouve que c'est pas mal. Moi, tu verras, l'épisode 4, c'est pas un plan séquence. Hein. C'est pas le plan séquence monstrueux qu'il y avait dans la première saison. Mais la scène de gunfight, elle est quand même super bien tournée, quoi. Ah, c'est le réalisateur de quelques épisodes de Fast and Furious là qui réalise True Detective là pour le moment. Ah ouais, je savais pas. D'accord. Bah après, j'arrive pas trop à donner d'avis parce que moi, la première saison de True Detective, je l'avais vue d'un coup, en fait. Et donc là, vu que j'ai un épisode par semaine, du coup, c'est pas pareil, tu vois. Quand tu mates d'un coup, souvent, ça passe mieux sur les séries qui ont un rythme assez lent que quand tu dois te taper, un épisode par semaine, quoi. Exemple, tu prends Walking Dead, tu mates une saison d'affilée, tu dois trop kiffer. En matant un épisode par semaine, tu ranges un peu ton frein, quand même. Ouais, Walking Dead, C'est une série que je suis chez Image, hein, mais Ouais, je parlais de la série ouais. télé, ouais. Ouais. La série télé, non, j'arrive pas à accrocher, quoi. Et toi, Vinch? Ben moi, du coup, en comics, ben, ce que j'ai lu, je suis en plein dans Axis, côté Marvel. Oh, mon pauvre. Ouais, ouais, c'est un peu spécial, c'est un peu, enfin, je trouve ça un peu bidon dans le sens où, oh là là, Vinch? les méchants sont trop méchants. Ouais. Les méchants, les gens, non, les gentils sont trop méchants, pardon. Du genre, les méchants sont d'un coup gentils, mais ils se posent pas trop de questions. Enfin, à la limite, les gentils qui deviennent méchants, je trouve que ça passe. Mais les méchants qui deviennent gentils, bisounours, d'un coup, qui se posent pas de questions, je trouve que c'est un peu con. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas les veines du siècle. Maintenant, ça se laisse lire, je trouve, ça va encore. Je préfère vachement Spider-Verse côté Dan Slott. C'est aussi chouette. Allez. Ça, je kiffe bien ça. Sinon, bah, j'ai lu Star Wars parce que je lis en VF. J'avais commencé la VO, mais je préfère la VF. Donc, je suis en pleine VF. Je suis au tome. C'est chez Panini, c'est le tome 2 qui est sorti. Donc, c'est Star Wars 3 et 4 et Dark Vador 3 et 4 que j'ai lu. Je kiffe toujours autant. J'ai bien aimé. Surtout le droïde assassin, etc. La partie Vador, elle est fun. J'ai hâte de voir la suite. Surtout puisque tu as dit que ça allait encore mieux. Donc, j'ai hâte. Et voilà, sinon, série TV, bah, pas grand chose, j'ai pas eu le temps de regarder un téloche, donc ce mois-ci, j'ai pas regardé de série TV en fait. Moi, je me suis acheté Skyrim hier. Bon, j'ai joué 4 heures déjà. Ben, franchement, il tue. Hein. Skyrim. J'aimerais être à ta place, découvrir Skyrim à nouveau. Et j'avais peur. Hein. J'avais peur de pas aimer, en fait. Parce qu'on m'avait parlé d'un tas de jeux qui étaient cultes que j'ai testé et j'ai été super déçu. Et en fait, voilà, ouais, niveau ambiance et tout, c'est vraiment excellent. Voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai voulu me remettre à Under the Dome. Même si la saison 2, elle était catastrophique. Moi, j'ai regardé un quart d'heure le pilote de la 3, j'ai arrêté. C'est n'importe quoi. Donc, si vous poursuivez, vous me raconterez comment ça se termine, parce que moi, j'en peux plus de cette série. Voilà, j'ai fait ça. Après, ben voilà, mon trou détective continue à suivre comme d'habitude. J'ai fini la série Wayward Pines. Le final, il m'a quand même bien laissé sur le cul. Et apparemment, ils ont pas prévu de saison 2, mais... S'il y a une saison 2, moi je suis partant. Je trouve que la série elle était cool, mais c'était pas. Là, la rigueur, ouais, 10 épisodes, c'était peut-être trop court, quoi. Je crois qu'ils ont adapté l'équivalent de 2 ou 3 livres, si je dis pas de bêtises, en 10 épisodes. Du coup, la fin, elle est pas mal, mais ça fait un peu, je trouve, vite torché. Voilà. Vous l'avez pas suivi cette série, vous? Non. Non? Pas Voilà. du tout, non. Pas du Dans tout. The Zone, tu parles. Non, non, là, je parle de Wayward Pines. Non, non plus. Dans The Wayward Zone, non Pines. plus, du coup. Wayward Pines, ça part comme Under the Dome, et après ça part dans un autre délire. Mais c'est quand même 100 fois mieux qu'un Under the Dome. Et dis-toi, voilà, c'est 10 épisodes et c'est terminé, quoi. Voilà, et après je me suis remis à The Strain, mais le premier épisode il m'a pas convaincu là, donc je vais tester le deuxième, mais je sais pas si je vais poursuivre. The Strain, non, vous suivez pas non plus? Non, ça me tentait pas, The String. Non Ouais, plus, non. tu sais, c'est les séries d'été, tu sais, vu qu'il n'y a pas grand-chose, tu mets ça, tu te détends, tu vois. Faut pas trop réfléchir, mais Ouais, mais moi j'ai plus d'ordi là, du coup je suis sur Netflix, mais. ouais, d'accord. Et voilà. Et après, sinon, en série, y a rien eu de cet été. Y a pas énormément de trucs, y a pas énormément de gros trucs en fait. Sinon, je me mate tous les mercredis soirs TF1, ce flash avec les super noms de doublage en français là. Ça me Ça fait va rigoler là, à chaque ça fois. va la VF en... pour. Et j'ai découvert que Captain Cold, en fait, c'était Captain Glaçon. Oh putain, ils l'ont vraiment ruiné. Ils l'ont ruiné, mais Captain Glaçon. Capitaine Glaçon, je te jure. Heatwave, ils ont fait comment? Heatwave, j'ai pas fait gaffe. Je sais même pas s'ils l'ont rappelé encore. Il y était la semaine dernière, là, mercredi, c'était l'épisode où il y a les deux, ils affrontent Flash, tu sais. Quand ils sont dans la rue, là. Et qui courent de partout dans tous les sens. Et qui doit se Ouais. mettre au milieu des deux pour qu'ils s'auto-allument tous les deux. Il y a ça. Il y avait l'épisode Man in the Yellow Suit. Ils l'ont traduit par le rayon jaune. Ah ouais. Voilà. Bah, l'homme dans le costume jaune, ça aurait été pas mal. Ouais, normal, tu sais. Non, non, ils avaient pas envie. Et après, c'est quoi encore les autres noms de chiottes qu'ils ont fait? Reverse Flash, je crois qu'ils l'appellent Flash inversé ou je sais plus quoi, mais voilà, enfin bref. C'est juste hallucinant quand même de mettre des noms comme ça. Mais quand j'ai entendu Capitaine Glaçon, j'étais pas sûr de moi, tu sais. Et il y a que à la fin, il y en a un, il a dit, ouais, je suis Capitaine Glaçon, Captain Cole, quoi. Je pense que les mecs de TF1, ils ont dû se rendre compte que c'était minable comme nom, quoi. Donc du coup voilà. Donc du coup je regarde ça, t'as vu, c'est marrant, tranquille, c'est marrant. La VF elle est. Bon, elle est pas si catastrophique que ça. Peut-être Wales, elle est un peu pourrie la voix, mais sinon globalement après une fois que t'es dedans, tu fais plus trop attention en fait. Ouais, ça se laisse quand même regarder, quoi. Parce que moi, j'avais voulu Ouais, bah c'est tester la Flash, donc VF de forcément. Arrow, c'était pire, quoi. Ah, celle Ouais, d'Arrow, elle pique, hein. Arrow, ça pique, quoi. Ouais, Flash, je sais pas, ça passe. Bon, après, comme on disait, hein, c'est diffusé hyper tard, c'est n'importe quoi. Mais. Ouais, c'est tout aussi diffusé avec la saison 2 d'Arrow, donc c'est bidon, vu qu'à la fin de la saison 2 Ouais, c'est d'Arrow, ça. les gens, ils vont voir Barry Allen qui a débarqué, mais genre en mode, j'ai pas de pouvoir, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait passer l'épisode crossover où ils l'ont zappé, carrément. Le crossover de Flash, c'était la semaine dernière. Je l'ai pas vu. Ah putain, je me demande comment ils l'ont fait vu que c'est la suite de l'épisode d'Arrow, je sais pas trop comment ils ont le concept et tout, tu vois. Bah ils l'ont passé, ils en ont rien à foutre, hein. Ouais, Normal. Ouais. Bah je te dis Flash c'est à 23h20 si je dis pas de conneries, et il y a deux épisodes. en fait, sur TF1, ils sont carrément trop cons. Je me demande pourquoi ils ont acheté la saison maintenant, ou alors pourquoi ils ont pas fait la saison 2 d'Arrow et 3 d'Arrow d'affilée, quoi, s'ils voulaient vraiment passer la saison de Flash. Je sais pas, Bon, ils je sont pense tous qu'ils en ont cons. rien à foutre, hein. Ils vont pas chercher si loin, eux ils ont vu que ça marchait, donc voilà, ils passent ça comme ça et puis voilà. En fait, c'est juste trop con, quoi, les mecs. Ouais, voilà. Et après, s'ils ont Legend of Tomorrow, aïe aïe aïe. Autant ils vont mettre Legend of Tomorrow Ouais. avant la saison 3 de Arrow, tu sais. Y a moyen, c'est possible avec eux. Ouais, y a moyen. Ouais. Donc, voilà. Bon, bah, on en a terminé, je crois, les gars. Je croise aussi. Ouais. Et ben Donc, bah, on vous donne rendez-vous, donc, le mois prochain. ouais. Ouais, à Vers, la fin de ouais, mois. voilà, fin de mois ou début de mois, ouais. Voilà. Bon, ben, bah, merci à tous et à bientôt. Salut, À salut. bientôt, Ciao, à tout le bientôt. monde. Salut.